Écho, seuls 8 lieux de culte sur 39 seraient reconnus. Ces ASBL, suspectés d'être des lieux de radicalisme, vont être davantage contrôlés. Mais on sait que c'est surtout dans des appartements, dans la rue ou via les réseaux sociaux que les prédicateurs agissent. Écoutez l'avis de Sarah Turine, Ishvin Ecolo à Molenbeek. La commune est en train de faire un peu l'état des lieux pour assurer la sécurité des fidèles, en fait. C'est le premier objectif. Donc, il y a en fait 22 mosquées en tant que telles sur la commune. Parce que ce qu'on entend par mosquée, c'est un lieu qui ouvre 5 fois par jour pour les prières. Pour être considéré comme lieu de culte, il faut être reconnu au niveau de l'urbanisme comme lieu de culte. Et puis, donc, pour être reconnu comme mosquée, mais il y a toutes des démarches à faire au niveau de la région. Et là, pour l'instant, il n'y en a que 4 sur les 22 mosquées qui ont la reconnaissance de la région qui leur permettent d'avoir accès à un financement, notamment pour payer le salaire de l'imam. 4, mais il y en a d'autres qui sont en cours de reconnaissance. Oui, tout à fait. Parmi les grosses mosquées même de la commune, certaines sont en procédure depuis de nombreuses années et ça traîne. C'est une procédure assez lourde au niveau administratif. Mais il y a plutôt une volonté de la part des mosquées d'avoir cette reconnaissance puisque ça leur permet notamment d'avoir accès à des fonds. Sarah Turine avec Jean-Claude Desnuits. La SNCB va acheter 445 nouveaux wagons à double étage, soit un budget d'1,3 milliard. Mais il y a un souci, les portes sont trop hautes par rapport aux quais. En fait, chez nous, il y a 3 hauteurs de quais différentes. Bref, les personnes à mobilité réduite risquent d'avoir beaucoup de mal à embarquer. La SNCB évoque la mise en place d'une marche amovible. Elle souligne aussi que les personnes en chaise roulante peuvent bénéficier d'une assistance. Mais alors, il faut s'y prendre 24 heures à l'avance. Pas évident, et du coup, Simon Gérard, les personnes à mobilité réduite réagissent mal. Très mal, c'est le moins que l'on puisse dire. Selon le Conseil national de la personne handicapée, les aménagements prévus ne sont même pas des demi-solutions. Gisèle Marillière, la présidente du Conseil national de la personne handicapée, est très en colère. Écoutez-la. C'est vraiment se foutre de l'enjeu de l'accessibilité au niveau des personnes handicapées. Et ça ne concerne pas que les personnes en voiturette. Hein. Ça concerne également toutes les personnes qui ont des problèmes de mobilité, dont les personnes plus âgées. On commande un charroi, ce qui n'est pas anodin, 445 voitures, on est parti pour 30 ans. Pour 30 ans de quémander de l'assistance, alors qu'on recommande d'utiliser les transports en commun. C'est vraiment indécent. Puis sur la forme aussi, le Conseil national de la personne handicapée estime ne pas avoir été bien consulté, voire pas du tout. La grève dans les prisons, l'action a démarré jeudi soir, elle a pris fin ce matin, en tout cas pour les affiliés de la CSC. Du côté de la CGSP, le mouvement se poursuit. Les gardiens de prison réclament, entre autres, du renfort et un réexamen des mesures d'économie. Michel Jacobs est le secrétaire fédéral de la CGSP prison. Les actions se poursuivent évidemment, elles se poursuivront en tout cas jusqu'à mardi matin, 6h du matin. Et on devra, à l'invitation du ministre, lundi après-midi, vérifier ce qu'il y aura sur la table. Et là, on prendra l'avis de chaque base. Par rapport aux actions qui doivent se poursuivre, quel type d'action avez-vous prévu ? Nous préconisons pour l'instant la grève, l'arrêt de travail. Mais en tout cas, j'avais toujours dit la semaine dernière que c'était établissement par établissement, suite aux assemblées générales, qu'il se déterminait. Et donc je sais qu'aujourd'hui, un certain nombre, une grande majorité sont en grève. D'autres ne le sont pas, mais en tout cas, lundi, je pense que ce sera encore une fois un succès complet. Michel Jacob se contactait par Miguel Allo. La réunion avec le ministre de la Justice lundi après-midi sera très importante. En cas d'échec, la CGSP prévoit de nouvelles grèves entre Noël et Nouvel An et début janvier. Un suicide au centre fermé de Votem. Un Congolais d'une cinquantaine d'années s'est pendu alors qu'il devait subir demain sa deuxième tentative d'expulsion. Les précisions de Michel Grétry. Ce Congolais s'est suicidé par pendaison dans sa douche ce samedi en fin d'après-midi. Il aurait dû subir ce dimanche une deuxième tentative de rapatriement. Selon le collectif de résistance au centre fermé, c'est une nouvelle victime de la politique d'accueil des réfugiés. Des gens qui ont fui l'insécurité et les persécutions se retrouvent détenus puis expulsés dans des conditions inhumaines. Selon l'Office des étrangers, il s'agit d'un événement tragique et tragiquement personnel. Cet homme a toujours été considéré comme un résident calme sans que le moindre élément ne laisse supposer son geste. Il aurait laissé un mot d'adieu dans lequel il expliquerait avoir appris le décès de sa mère et c'est peut-être ce qu'il a décidé à mettre fin à ses jours. L'émotion est vive en tout cas. Une cellule médicale et psychologique a d'ores et déjà entamé un travail de soutien pour le personnel et pour les co-détenus qui ont entamé une grève de la faim. En football, la déception ce soir pour les clubs wallons. Charleroi voit les portes du top 6 s'éloigner après cette défaite 2-1 à Westerlo, la lanterne rouge. Et Mouscron-Péruet ne fait pas une bonne affaire non plus avec cette défaite 0-1 face à Waasland-Beveren. D'autant qu'OHL, un adversaire direct dans le bas de classement, mène 2-1 face à Malines. Il reste dans ce match un gros quart d'heure à jouer. Plus tôt dans la soirée, Genk avait battu Saint-Tron 3-0. Fin de ce journal, prochain rendez-vous 23h. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Viva for life. Viva for life. De 22h à 2h avec Sarah Depadua. Bonsoir tout le monde, c'est la troisième soirée dans le Cube ici. Le studio de verre installé Place de la Digue à Charleroi fait du bruit. Encore beaucoup de monde ce soir, Place de la Digue. C'est Didier Joss qui a mis le feu ce soir. Vous êtes encore nombreux à nous suivre et vous êtes nombreux, je suis sûre, à la radio ou alors sur internet sur vivaforlife.be. C'est une soirée cinéma ce soir. Donc on a sorti sa robe, ses petites paillettes. On va marcher sur le tapis rouge. On va surtout écouter votre musique parce que c'est ça le principe de Viva for Life. Vous partagez la musique que vous aimez via vivaforlife.be avec une petite dédicace, pourquoi pas. Nous aurons de nombreux invités, des artistes belges de talent et on en a chez nous. Donc on va les mettre à l'honneur tout au long de la soirée avec Cyril qui va prendre le relais à partir de 2h du matin. 0800 30 007, ça c'est le call center. On oublie un petit peu cette nuit parce que nos bénévoles sont allés faire dodo et du coup on les retrouve demain en pleine forme à partir de 8h. Là, si vous voulez participer à l'opération, il y a le compte 8x0 37 37. Le SMS c'est le 4001. Démarrez par votre numéro de compte, un espace suivi de la somme que vous désirez verser à Viva for Life. Et puis le site, hein, c'est facile, vivaforlife.be. On se mobilise tous ensemble, on fait la fête, mais c'est pour les enfants chez nous. Vous le savez, on est là pour ça, pour le rappeler. Ils sont 80 000 chez nous. Ils vivent dans la pauvreté. Ça se passe en Belgique francophone. Donc c'est vraiment chez nous. C'est dans notre rue, c'est dans notre école, c'est dans notre quartier. Et donc on est là pour se mobiliser tous ensemble. On compte sur vous. Viva for life. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today. Anybody's help in any way. Now, but now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find a change of mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being right. Help, le choix de Francis à Lierneux, 40 euros pour la cause. Il est passé via vivaforlife.be. Vous aussi, faites-en de même et n'hésitez pas, c'est une soirée cinéma. Donc lâchez-vous, faites-vous plaisir. Une bande originale de film, toute l'équipe est là derrière. Elle va essayer de trouver le disque que vous aimez. Donc n'hésitez pas, c'est vivaforlife.be. Bon à savoir aussi, nous sommes 24 heures sur 24 sur vivaforlife.be, en streaming bien sûr, mais aussi sur Télé Sambre toute la journée à partir de 11h jusqu'à 18h, avec une séance de rattrapage aussi à 22h30. 18h30, parce que si vous travaillez, vous n'êtes pas là à 18h30 sur la Une Télé pour la quotidienne. Séance de rattrapage sur Télé-Sambre pour les Carolos qui nous écoutent. Pour les téléspectateurs de la région de Charleroi, rendez-vous donc à 22h30. Ah, déjà du beau monde pour cette soirée cinéma ici dans le studio de Verre. Bonjour, bonsoir, oui. À 22h, on peut dire bonsoir. Nicolas Beutars est là, il nous rejoint dans le studio de Verre. Bonsoir, il a sorti lui aussi son beau costume, parce que c'est une soirée cinéma. Prenez bien votre micro, il est là juste devant vous. Un petit bonnet noir, mettez le casque, Nicolas. Installez-vous parce que... faisons un peu Festival de Cannes, quoi. Ouais, notre tapis rouge à nous, même s'il est gris, c'est pas grave, on ferme les yeux, on fait semblant. Semblant qu'on est à Cannes, il fait chaud, il fait beau. Oui. Vous êtes toutes jolies, je tiens à vous le dire. Oh, c'est gentil. Toutes jolies, alors j'espère que vous allez faire les nœuds papillons. Ah non, pas du tout. C'est pas moi. Je vais rester comme ça. Vous savez quoi, c'est le défi de la soirée. Il y en a d'autres qui vont nous rejoindre et du coup, ça va être de nouer le nœud papillon de Nicolas Beutars. Ça, je ne sais réellement pas faire. Je sais faire plein de choses, mais je n'y arrive pas. Vous êtes là jusqu'à 22h. Jusqu'à 2h, il est 22h05. Vous êtes là pendant 24h jusqu'à demain soir. Oui, je suis là jusqu'à 2h du matin pour cette grande nuit du cinéma. Oui. Et on va bien s'amuser parce que j'ai prévu des tas de jeux. Yes. Des tas de jeux, mais alors des jeux, il y aura du quiz, il y aura du blind test, il y aura un jeu de réplique. Je vais vous faire écouter une réplique. Oui. Il va falloir trouver de quel film est tirée cette réplique. Et puis on va faire un petit... parce que je sais que c'est un film qu'on aime... qu'on aime revoir, dont on aime partager les répliques, c'est le film Dikonek. Oui. Vous avez vu le film Dikonek ? Non, on en a beaucoup parlé, mais c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de le voir en entier. Parmi les invités que nous recevrons ce soir, il y aura un des acteurs de Dikonek qui viendra dans ce studio, dans ce cube. Et alors, nous allons rejouer les scènes mythiques de Dikonek avec cet acteur. J'en dis pas trop parce que je vais pas teaser, enfin si, je peux teaser, mais pas spoiler, comme on dit maintenant. Et puis, donc moi, je suis un petit peu... Allez, comme l'agent 007, quoi. Donc, si moi, je suis un peu l'agent 007, vous pourriez être effectivement l'agent 0830. 0830, c'est qui ? Ça me fait très peur. 0830 et pourquoi 007. Pas la James Bond Girl ? L'agent 0830 et 007. Nicolas Beutars, vous êtes là jusqu'à 2h du matin parce que vous êtes monsieur cinéma de la première. C'est vous qui présentez aussi Entrée sans frapper. Non, mais c'est vrai, vous avez une culture cinéma assez importante. Ça a été une ancienne vie. J'ai vécu plusieurs vies. Effectivement, dans une ancienne vie, j'ai été monsieur cinéma. Maintenant, je suis un spectateur averti, on va dire. Mm-hmm. Et puis sur la première, je représente la première ce soir. Oui. Je suis le premier de la première, donc ça me fait plaisir, je suis enfin premier quelque part. Et puis effectivement, pour la première, je présente Un samedi d'enfer. Oui. Donc, ce matin, j'étais sur les ondes, c'était très bien, avec mes camarades Bruno Coppens, Pierre Kroll et Myriam Leroy. Un talk show d'humeur et d'humour, avec une dose d'impertinence. Et alors le 1er janvier, je présenterai exceptionnellement Entrée sans frapper. Ah, voilà. Je serai la première... le premier visage, la première voix de cette nouvelle année 2016. Mais bon, ça c'est dans... On n'y est pas. Nicolas, la première s'est mobilisée aussi. Vous avez un chèque. Oui. Vous n'êtes pas venu les mains vides. Non. Qu'est-ce que vous avez organisé avec toutes les équipes de la première ? La première en collaboration avec ce magnifique spectacle qui s'appelle La Boîte à Images a récolté des fonds. Et donc je vous amène ce chèque. Je le dévoile déjà maintenant. Oui, attendez, on va bien démarrer la soirée. Eh bien voilà. 3000 euros pour Via for Life. Merci à toutes les équipes de la première, évidemment. Génial, 3000 euros, c'est énorme. Ben oui, c'est pas mal, surtout que ça s'est fait à la buvette de ce beau spectacle qu'est La Boîte à Images. Alors La Boîte à Images, c'est quoi ? C'est un spectacle de 2h30, emmené par Jean-Pierre Castaldi. Oui. Et ce spectacle revisite la naissance du cinéma. Mais vraiment, on découvre comment le cinéma est né, on redécouvre les grands films mais du siècle dernier. Hein, vous n'étiez même pas né. Oui. Non, vous n'étiez même pas né, ne cherchez pas. Et donc, c'est vraiment un spectacle interactif parce que c'est à la fois du théâtre et du cinéma. Et le tout est présenté par Jean-Pierre Castaldi, que j'ai eu la chance de rencontrer. Et voici comment il décrit ce spectacle, La Boîte à Images. Jean-Pierre Castaldi, dans La Boîte à Images, vous êtes le vieux projectionniste qui a vécu la naissance du cinéma. Vous ne faites pas votre âge. C'est-à-dire qu'il est intemporel. Il est... disons que je fais comme si il n'y avait pas de spectateur. Et là, il a un assistant, enfin un collaborateur qui est joué par Christophe Delire. Et... et on a l'impression qu'il est en train de le former, quoi. Et donc, on profite de sa présence et il lui montre tout ce qu'a été le cinéma au début. Il lui dit, parce que je démarre la pièce en disant, mais si, ils vont venir, mais qui va venir, on ne sait pas. Et puis, on s'aperçoit qu'il parle de Scorsese, qu'il parle d'un tel et d'un tel, comme s'il les avait toujours connus. Alors, il y a même des gens qui m'ont dit, mais quand même, Greta Garbo, vous ne l'avez pas rencontré. J'ai dit, non, pas Greta Garbo, mais les autres, plus tard, oui. Et alors, c'est comme ça, ça permet donc de raconter les débuts du cinéma et son évolution. Et quand la jeune actrice arrive pour parce qu'elle se trompe d'endroit, elle le ramène à la réalité. Et dans la deuxième partie, après le premier entracte, ça permet d'aborder les comédiennes, un métier qui détruit, pas facile. En faisant ce spectacle, je me suis rendu compte que toutes les grandes actrices, à 80%, elles sont mortes avant 50 ans, ce qui était incroyable. Incroyable. Et donc voilà, c'est. Et puis on finit par un hommage sur Girardot, quand elle pleure au César, où je lui dis, voyez, ça finit, la gloire, ça finit très mal. Quelle humilité pour cette grande actrice. Cet amour de ce métier, et ce métier n'est fait que d'amour et de passion. Vous venez de l'entendre, Jean-Pierre Castaldi, avec une voix plus grave que d'habitude. Pourquoi ? Parce qu'il y a un petit souci. Il se fait opérer pour le moment. Mais une opération bénigne. C'est bénin, voilà. Oui, non, je veux dire, il n'y a rien de grave. Et j'en ai quand même profité qu'il ait encore un petit peu de voix, quand même, pour lui demander s'il devait encourager nos auditeurs à donner. Qu'est-ce qu'il dirait ? On écoute Jean-Pierre Castaldi. La tournée de la boîte à images est aussi synonyme de solidarité, puisque vous allez nous remettre un chèque de 3000 euros qui a été pris sur les boissons que prennent les gens. On leur dit, voilà, ce verre, l'argent va aller pour les enfants. Et je dois dire que ça fait bien marcher le bar. C'est une bonne cause. C'est une bonne cause. Que pourriez-vous dire pour donner encore plus, pour que la générosité de nos auditeurs soit plus grande encore ? Vous savez, j'ai écouté les informations sur les différentes radios belges. Il y a un vrai élan. Les gens sont généreux, alors qu'on est dans une période difficile. Donc je sais que pour 2, 3, 4, 5 euros, c'est de l'argent. Mais ces 2, 3, 4, 5 euros-là, vraiment, on ne va pas les regretter. On se dit, allez, c'est pour des mômes, quoi. C'est pour des mômes. Ils ont. Et voilà, c'est l'avenir, les mômes. C'est notre avenir. C'est eux qui, quand on sera vieux, enfin, quand les autres seront vieux, moi je suis déjà. C'est eux qui vont nous nourrir. Alors, aidons-les à grandir. Aidons-les à grandir. C'est pour les mômes, quoi. C'est pour les mômes, mais avec cette voix comme ça, c'était. Il fallait le voir. Il avait un sourire, voilà, comme ça, jusqu'aux oreilles. C'était vraiment touchant. C'est un bel appel, en tout cas, qu'il fait là, Jean-Pierre Castaldi. Donc, donnez. C'est pour les mômes. VivaForLife.be. Et en plus, en échange du don, vous pouvez choisir la musique que vous aimez, la dédicacer à quelqu'un que vous aimez aussi, par exemple. C'est une soirée spéciale cinéma ce soir, tapis rouge. Alors, on se fait plaisir avec les bandes originales de films. Lâchez-vous du côté du site internet, c'est VivaForLife.be. On va un petit peu bouger. J'ai aussi la musique a du cœur et on met le feu, c'est la fête ce soir, troisième soirée dans le studio de Verre. N'hésitez pas à bouger chez vous dans la voiture et ici place de la Digue à Charleroi, c'est gala évidemment, Free From Desire. My love has got no money, he's got his strong beliefs. My love has got no power, he's got his strong beliefs. My love has got no fame, he's got his strong beliefs. My love has got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Freed from desire, mind and senses purify it. Freed from desire, mind and senses purify it. Freed from desire. We'll be right back. 50 €, yes, dans la cagnotte de Via for Life. Souvenir de jeunesse et de fête, nous dit-elle. Votre musique ce soir est géniale. Je fais de la pâtisserie. Je suis en super forme grâce à vous. Merci Véronique et merci surtout pour votre don. Encore des invités. Ah, c'est tapis rouge ce soir, soirée spéciale cinéma. On va voir qui va débarquer. Et bienvenue. Jean-Luc Couchard. Christelle Cornil. Christelle, bienvenue. Et Stéphane Bissot. Stéphane Bissot, installez-vous, prenez les micros, mettez les casques aussi, c'est plus confortable pour vous. Que de talent belge. Merci d'être avec nous dans le studio de Vert ce soir. Mais avec plaisir. Sur la chevauchée des Valkyries, Apocalypse Now. Ouais. Une entrée triomphale, magique. Alors je vois que les hommes se mettent d'un côté et les filles se mettent de l'autre. Alors il y a du blind test, ça sent l'équipe. La battle. À mon avis, ça sent une battle. On va pas se mélanger, hein. Les femmes d'un côté, les hommes. Le problème, c'est que moi, j'ai les réponses. J'ai les questions et les réponses. Donc, t'as choisi la mauvaise équipe, en fait. On rappelle Nicolas, brièvement, qui est qui, parce qu'ils sont nombreux à nous écouter en radio aussi sur vivacité.be. Et parfois, le nom, ça nous dit peut-être rien. Alors, on rappelle un petit peu le palmarès, brièvement, de chacun. On a Jean-Luc Couchard, qui a fait Dickeneck. Oui, entre autres, mais l'actualité. Pardon, oui, c'est ça. Il a fait qu'un seul film dans sa vie, et c'était Dickeneck. Mais il l'a bien fait. Et tu ne l'as pas vu. Le truc un peu réducteur. Et tu ne l'as pas vu. Je l'ai entendu. Mais elle en a entendu parler, et elle en a entendu beaucoup de bien. Ah, ça va alors. Donc c'est important quand même. Nous avons aussi Christelle Cornil. Bonsoir. Bonsoir. Bah, présentez-vous, Christelle. Mais je suis comédienne, belge. Comme à l'école. Et tu oses parler dans le micro? J'ose parler dans le micro, j'ai pas peur. Christelle, elle est magritée plein de fois. Quand ouais, il y en a quand même qui s'intéressent. Excuse-moi. Stéphane Bissot est là aussi. Oui, Stéphane. Sans Magritte, mais je suis contente d'être là. Combien de Magritte pour Christelle, tiens? Et pour quel film? Pourquoi? C'était pour Illégal, de Massé de Passe, un second rôle. Félicitations. Merci beaucoup. Vous êtes bien belle ce soir. Stéphane Bissot, vous aussi, vous êtes bien belle c'est ce vrai, soir. C'est vrai, avec ces trucs de Tululut, ça fait un peu Télétobies. Attendez, ça met de la couleur, c'est Viva for Life. Ah, c'est ça, je vis for life. Où est-ce qu'on est? Ah oui, je vis for life, moi je vis pour vivre. Stéphane, qu'on a beaucoup vu à la télé aussi, pas Dickeneck, dans Melting Pot. Comme ça, sans cette dac. Non, dans Melting Pot Café, mais ça fait quoi? On a arrêté ça. Ça a été rediffusé, non? Ah, mais regardez pas, moi je n'ai rien à voir là-dedans. Nicolas, tu ne connais que le cinéma, la télévision, rien du tout. Oh, la télévision. Vous savez, la télévision. Ça a cartonné sur la une. Attendez, il y a eu deux, trois saisons. Trois, dit. Mais je te teste. Bon, peut-être. Je me souviens. C'est dur, voilà. Et vous étiez même Madame Astrid. Que même vous aviez les cheveux un petit peu plus courts et plus décolorés, plus blonds. C'était un super rôle de composition. Hein. J'avais au moins 15 ans de plus que maintenant, un grand-fils, tout ça, qui pourrait être mon amant, vrai. Et vous parlez un petit peu bruxellaire, alors. Moi, à Charleroi, je ne vais pas le faire. Hein. Comment on fait à Charleroi? Je ne sais pas. Les Carolo dans la place, ici, place de la digue. Faites du bruit, vous êtes encore nombreux. Ouais. Sont là. Quelqu'un va venir à la boîte aux lettres et va nous dire une expression typiquement Carolo, d'accord? Vous êtes d'accord? Quelque chose qu'on ne dit qu'à Charleroi ou dans la région de Charleroi. Qui va débarquer à la boîte aux lettres? Ça se bouscule, on va faire comme si. Sur l'air de la chèvre, c'est la top. Chèvre. Ouais. Je l'ai vu 14 fois quand j'étais bourrée le matin, tu sais, quand tu rentres de tes week-ends de sortie. C'est la chèvre, c'est sur la cassette, elle a pété. Enfin, tu vois, elle a pété. Et votre film préféré, Christelle, à vous? J'en ai tellement. Bah, on parlait de Manon Dessources et Jean de Florette tout à l'heure, je pense que voilà, c'est moins drôle. Alors, Emmanuel, on n'a pas parlé que de ça, parce qu'on a un peu brainstormé l'émission, je leur ai un peu expliqué. On a parlé de choses un petit peu plus. D'un cinéma sexuel. Assez particulier. Mais on va pas rentrer dans le porno avant minuit, on est d'accord? Non, pas avant minuit. C'était pas prévu après non plus. C'est après 2h du matin. On a quelqu'un à la boîte aux lettres. Bonjour. Bonjour. Vous appelez comment? Martin. Martin, salut Martin. Salut. Un vrai Carolo alors? un vrai carologue. J'habite ici, juste derrière. Excellent, ça va, on fait pas trop de bruit. Non, ça va, ça va. Désolé pour le bruit, pour le dérangement. On range tout dans une semaine. Cause, on adore. Dans 4 jours, Nicolas, oui, dans 4 jours. 92h40. Une expression typiquement carolo, alors. Bah, un peu d'oualon, donc bisoumchou. Oh, bisoumchou, mingati. Et ça se dit aussi à Verviers, ça, bisoumchou. Et qu'est-ce qu'on mange aussi typiquement à Charleroi qu'on ne mangerait pas ailleurs? Je sais qu'à Liège, ils ont les boulets, évidemment, sauce lapin. Ouais, à Charleroi, on n'a pas grand-chose de spécial. Enfin, non, à part les frites de chez Robert, mitraillettes, oui, évidemment. Et les gaillettes aussi, non? Les gaillettes, oui. Qui ressemblent à des petits charbons, c'est comme bon, ça. C'est ça, les gaillettes. Oui, c'est ça. Oui, c'est bon, c'est spécial, mais oui, c'est bon. Allez, il faudra qu'on goûte. Je peux dire que mon père, à moi, était un une grande figure de Charleroi. Peut-être qu'il y en a qui s'en souviennent encore, puisque c'était un attaquant du Sporting. Bemer, Bissot, Bertoncello. Il a participé à l'aura du Sporting de Charleroi. Donc quand même, voilà. Donc vous êtes un petit peu, vous faites partie un petit peu de la région aussi, vous. Allez, Stéphane. Un petit peu. On va partir en musique avec ABBA. On va danser évidemment parce que c'est Dancing Queen. Et après, il y aura un blind test avec des bandes originales de films, d'accord? Vous êtes prêts, vous aussi à la maison, dans la voiture? Restez là, on va jouer tous ensemble. Isabelle de Sarre-l'Espa qui a proposé ABBA pour 50 euros. Yes, ce merci titre. Isabelle. Et pour merci. Notre fille Emeline, 6 ans, dont c'est la chanson préférée. C'est sympa, 6 ans, d'aimer génial. ABBA, j'adore. Dancing Queen. Ne le passez pas trop vite. Elle est à la sieste en ce moment. Et à mon avis, là, elle fait vraiment dodo. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Bon courage et bravo pour ce que vous faites. Soirée spéciale cinéma ce soir. Il y a pas mal de monde ici. Place de la Digue à Charleroi. Faites du bruit. Prouvez que vous êtes là, les Carolos. En masse pour nous soutenir. Pour soutenir bien. For life. Ah ben quand même. Génial, dans quelques temps, à mon avis, il y a une petite farandole qui va se préparer. C'est un classique ici à Viva oui, For Life. On va trouver la musique, on va s'arranger. Nous sommes 5. Oui. C'est-à-dire que la farandole, on la fera à 5. À 5, mais alors aussi, surtout Place de la Digue. Ah, okay. Avec les images, évidemment, en streaming sur vivaforlife.be. Mais il y a un océan ici. C'est Stéphane Bissot. Parce qu'il y a un chat quand même dans le... Mais il est où, Cubi? Cubi, il est quelque part ici dans le studio. Je peux vous dire qu'il prend ses aises. Franchement, et alors il veut parler dans le micro, il fait le malin à la boîte aux lettres, il pose. Moi, quand tu dis Cubi, il est génial. Je pense Pinard, hein, sérieux, rien d'autre. Comment ? Quand tu dis Cubi, je pense Pinard. Oui, et c'est un chat, hein, c'est parce que c'est un cube ici. Ce sont nos internautes qui ont trouvé le nom. Alors, Nicolas, intention, un blind test avec des bandes originales de films. Soirée oui, cinéma oblige. Premier blind test cinéma de cette soirée, il y en aura plusieurs. Hein, donc on va d'abord jouer avec vous. Hein, Jean-Luc Couchard qui est là. Couchard, Jean-Luc, je vais faire équipe avec vous. D'accord. Ok. Je ne sais pas si vous y gagnez. Alors, le problème, c'est que Jean-Luc est juste à côté de moi. Non, mais c'est pas grave, je n'ai pas les réponses, j'ai pas mes lunettes. Ah, d'accord. Ah, très bien. Parce que et puis, Christelle Cornille et Stéphane Bissot jouent ensemble aussi. Oui, on est les la brune et la blonde. Et vous jouez aussi, hein, chez vous, dans la voiture, Place de la Digue ici. On joue tous ensemble. Vous allez voir, ça va être allez-y, simple. Nicolas. Le premier extrait, il est cultissime. Destiné. La boum. Non, Jean-Luc dit. C'est le compte, les bronzés. Les bronzés. C'est ça? Allez, non, samedi, non, c'est les bronzés, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Le Père Noël est une ordure. C'est Destiné. Le Père Noël est une ordure. Non, alors Destiné, c'est le titre de la chanson. Oui, je sais, mais la danse à la fin du film. C'est pas les bronzés. Oui, c'est le Père Noël est une ordure. C'est pas les bronzés, mais on y est presque. Rose de Capitanie, elle joue dedans. Grâce de Capitanie, elle joue dedans. Oui, alors, vous confondez, mais je vais vous expliquer. Il faut le titre du film. Il faut le titre du film, mais c'est presque une bonne réponse. Il y a une histoire avec des prostituées. Si, le titre. On a dit. C'est pas le Père Noël est une ordure. Bingo. Mais si, je l'ai dit quatre fois. C'est mon micro qui déconne, zut. Oui, Christelle l'a dit quatre fois. Et alors, en fait, c'est là. On commence bien parce que c'est une cachette. En fait, ce titre. Mais il était déjà dans un autre film. Un autre film. Voilà. Destiné, avec Grâce, Destiné de Guy Marchand était la même année dans deux films. Ah. Les Sous-doués avec Grâce de Capitanie. Ah, et j'avais dit Patrice Lecomte. Ah, c'est pas loin. Et alors, il était aussi dans Le Père Noël est une ordure avec Thierry Lhermitte. Donc merci, voilà, c'est une Christian. Sorte de réponse collégiale c'est parce que finalement, il y a eu non, tellement c'est de titres. Les filles, hein. Jean-Luc, c'est nous qu'on va pas te laisser faire, d'accord. J'ai bien aimé tu t'y connais Baboum. Un peu quand même. Tu t'y connais un peu quand même parce ouais, que ouais, moi, ouais, mon avis, oui, connais. Face aux deux filles. Tu connais Diconnec par cœur. Deuxième extrait, Nicolas. Allez. Facile. On l'a dit plus vite. Je appelle. On l'a dit plus vite. Si, si. Allez, match nul, OK. Match nul. Quand ça arrange. C'est pour nous, le point. Je leur ai donné un point. C'est gentil. Non, c'est un partout. Je note. Hein, oui, je vais d'ailleurs faire les équipes. Attention. C'est bon, vas-y. Troisième extrait. Matrix. James Bond. Je m'excite, pardon. Désolé pour vos erreurs. Bien joué. Je suis un peu joueuse sur les bords. Skyfall. Je l'ai dit d'abord. Non, bonne joueuse, Sarah, c'est vrai, je l'ai dit d'abord. Je suis désolé, moi je mettrais des demi-points. Un demi-point, oui. Un demi-point chacun. Parce que je me suis excusée parce que j'ai crié. Alors, c'est pas ça, mais c'est James Bond, il y en a beaucoup. Oui, je sais, je pensais Skyfall. C'est vrai. Enfin bon, oui. Un demi chacun. Non, elle a pensé très fort, elle peut prendre tout le point. Oui. Oh, Stéphane. Allez, moi je suis d'accord. Vous êtes sympa, les filles. À charge de revanche. Ok, bah alors deux points pour... Ah non. Non, demi, ça commence bien. Il y a eu trois extraits. Moi, j'ai fait journalisme, j'ai pas fait comptabilité. Hein, donc, allez, quatrième extrait. Un comptable, Charleroi qui vient de nous rejoindre. Non. Ah, oh, j'aime bien ça. Oh merde, ça, je connais ça. Le Père Noël est une ordure, non? Non, ça peut pas toujours être Le Père Noël est une ordure comme ça peut pas toujours être Diconnec. Un film français, non, oui. Non, c'est pas un film français, C'est américain. Oui. Ça se passe en prison. Et si vous trouvez sur la place ici, vous pouvez venir à la boîte aux lettres, hein, jouer avec nous. N'hésitez pas, hein, si vous avez le titre du film. Ah, il y a quelqu'un. Avec qui vous voulez jouer? Avec les filles. Avec les filles. Désolé, allez, les gars. Avec Jean-Luc Prochain. Midnight Express. Et vous continuez à nous aider, pas toujours choisir les filles. Moi aussi, je suis une fille. Je joue avec Jean-Luc Couchard. Alors ça va. Normalement, les filles, ça vous devez trouver parce qu'on vous a souvent invité. Enfin, on vous a souvent invité sur cette chanson. Allez, cinquième extrait. La boum. Les trois mousquetaires. Vous pouvez rajouter tous les mousquetaires que vous voulez, ce ne sont pas les mousquetaires. Si, Only One. Brad Adams. Robin des Bois. C'est Only One. J'ai pleuré là-dessus. C'était beau. Everything I do. Bravo les filles. Avec Kevin. Moi je connais plus le saut que le film. Oui, moi aussi. Je sais plus où j'en suis moi dans les points. C'est un point pour elle, ça ouais. va. Ouais. C'est 2-2. C'est heureusement qu'il y a la régie qui suit derrière. Oui, voilà, merci Nicolas, régie. Vous savez, ils vont prendre le relais. Oui. Eh bien, sixième titre, ça c'est facile. C'est un peu ce que l'on vit là pour le moment. Avec Jean Travolta, Disco. Je vais me calmer un petit peu. Elle va nous démonter voilà. cube, mais 10e chanson. Voilà. Donc, effectivement, on disait en regardant l'émission que Sarah était sportive. C'est la Fever. Oui, on se disait c'est une sportive, ça. Mais on a trouvé la réponse, hein, Jean-Luc. Faut Jean-Luc continue à donner des titres. Donc en fait, c'est pas Saturday Night Fever, c'est Night Fever. Enfin, ouais, si bon. C'est Saturday Night c'est Fever. Ouais, mais bon, ça. Il y a trois mots, j'en ai dit deux. C'est pour Jean-Luc et moi. Ça supporte, ça supporte. 3-2. 3-2. Dernier extrait avant U2. Il y a encore combien d'extraits? 3? Moi j'en ai encore 4, mais on peut encore jouer. Allez, celui-là est pas vraiment. On fait les 4 derniers. Allez hop. Les 4 derniers? N'hésitez pas à jouer ici. Allez, encore 2. De la digue. Faisons encore 2. Courir. Courez. Faisons encore 2. Dans la boîte aux lettres. Le suivant, on écoute. Pas du tout. Oui. Un film avec Sharon Stone. Oh, il y a une petite choupinette. Il y a une petite choupinette. Ah, mais qui vient donner des sous. Qui vient donner des sous. Super, merci. Super. Parce gros bisous, ça, on y a aussi. Cru. Enfin, super. Il y avait un garçon qui s'est vu. Vu l'âge de la demoiselle, je ne suis pas certain qu'il ait vu le film. Oui, mais il y avait un et papa vu, aussi ou le grand frère. Instinct. Non, c'est Basic Instinct. Non. Elle a joué dans Magnum, ses débuts. Elle avait un petit rôle dans Magnum, pour ceux qui ont. C'est horrible pour les comédiens parce qu'on connaît beaucoup plus la chanson que le film. Moi, je sais pas. Madame. Un indice. Attendez, il y a quelqu'un qui arrive du côté de la boîte aux lettres. Quel film? Il faut deviner le film. Et vous jouez avec qui d'abord? Vous jouez avec qui? Avec les filles. Ah oh, ouais, mais non, avec les filles dans les deux équipes. Basic Instinct. Non, désolé, on l'avait dit. Et je vous signale que je suis une fille, quoi. Je joue avec Jean-Luc, mais je suis une fille quand même. Oui, mais un indice, Nicolas. Un indice qui va nous aider. Sharon Stone. Quel autre comédien? Qu'est-ce qu'il a fait? Sharon Stone. Oh, c'était aussi un film un petit peu comme Basic Instinct, un film un peu sulfureux. Ah, il y a quelqu'un. Les garçons. Sliver. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Il n'a pas donné son prénom, mais. Merci, monsieur. On lui demandera la prochaine fois. Allez, le dernier extrait. Un film magnifique qui avait été présenté à Cannes avec un acteur, les filles, que vous aimez bien. Désolé, Jean-Luc, ça ne peut pas toujours être vous. Brad Pitt. Non, ça ne peut pas toujours être Brad Pitt. George Clooney. Ah ouais, ça c'est... L'histoire d'un cascadeur. Il y a quelqu'un qui arrive à la boîte aux lettres. Oui. Ouais. N'hésitez pas à donner votre prénom d'emblée, comme ça. Drive. Merci, merci pour les 10 euros. Drive. Christelle Cornille a encore... Voilà, c'est ça. Mais Christelle Cornille avait dit la réponse. Super. Donné la bonne réponse. Merci beaucoup, monsieur. Bravo. Merci. Bravo. On en est où, alors? Kavinsky, Night Call, le film Drive. Excellent. On en est où? Vous êtes pas mal du tout, les filles. Vous débrouillez bien. 4, 3, c'est 3-3. 4-3. 4-3. C'est quoi? Sauf si la régie dit le contraire, mais... L'important, c'est de s'amuser. Mais voilà ce que nous dit la régie. 4-3 pour nous. Ben non, 4-3 pour eux. Ah bah enfin, 4-3 pour les autres. Et vous gagnez un bon CCML. Qui est là depuis ce midi. Non, vous avez fait un drôle de comptage, les gars. Oui, moi, je trouve d'accord. Aussi, parce qu'il me semble Est-ce que c'est fort. On ne lui donnerait pas un gage à notre Nicolas, là. Parce que, allez, il se dit arbitre, il ne sait pas compter. J'ai encore plein d'autres jeux. Ça va pas, ça. J'ai encore plein d'autres jeux à gérer. Vous savez quoi? Je vous donne la prochaine fois, c'est moi qui vais faire le comptage. Les filles, Jean-Luc Couchard, on va réfléchir à un gage pour Nicolas. Ah oui, il est là dans le cube, on le garde et on va en profiter. À tout de suite. Viva for Life, avec nos partenaires. On aime tous prendre soin de ceux qu'on aime. Solidaris, c'est votre bonheur qui va être content. Gaz, électricité, solidarité. Aurès soutient Viva for Life. Son famille, une mal d'idées pour les fêtes? Offrez du bien-être. Une pause soin ou détente à l'espace 22? Voilà un cadeau qui ne s'échange pas. Sauna, hammam, jacuzzi, de nombreux soins en institut ou même chez vous. Espace 22, c'est aussi une parfumerie sur 800 mètres carrés. Découvrez nos chèques cadeaux. Espace 22, c'est tout ce que je veux. Rue de la station à Anse et sur espace22.be. Salut Sarah, c'est Sylvie Honoré. Allez, tu fais ça comme une grande. On est tous derrière toi, bravo. Des économies sur vos dépenses énergétiques, Nulens Toiture, un devis gratuit, des prix compétitifs et un travail impeccable. Nulens Toiture, le professionnel des toitures plates. Un repas de fête 100% bio? Oui, c'est possible, grâce à Biofagne. Biofagne. Votre supermarché bio à Neupré et à Teux. Biofagne.be. A blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Merveilleux, 6 jours de générosité, 6 jours de Viva for Life. U2, c'était le choix de Marielle à Bruxelles, à Anderlecht. 15 euros pour Viva for Life. Elle a laissé une petite dédicace. Elle est passée via le site vivaforlife.be parce que c'est une belle action Viva for Life. Ma filleule, Anne-Wynne, a la chance d'être gâtée par sa marraine. Alors, je le fais aussi pour les petits bouts dans le besoin. J'ai déjà fait un don de 80 euros pour une chanson et voilà donc 15 euros encore. Merci. Continuez, vivaforlife.be. On est dans une soirée très spéciale ce soir, une soirée cinéma avec du beau monde autour de la table. On a Jean-Luc Couchard, on a Christelle Cornil, on a Stéphane Bissot, on a surtout Nicolas Beutart qui est là pour nous parler cinéma jusqu'à 2h du matin. Profitez-en, lâchez-vous via le site vivaforlife.be. Le moment C'est important. Ta-ta-tin. Nicolas Beutard s'est lancé un blind test pour ceux qui nous rejoignent et il ne sait pas compter les points. Donc autant vous dire qu'en tant qu'arbitre, il est méga nul. Du coup, un gage. On a réfléchi avec les filles, avec Jean-Luc Couchard. On s'est dit que il y a pas mal de monde ici, place de la Digue à Charleroi. Merci d'être là, mais vous êtes bien statique. Pourtant, j'imagine que ça commence à faire un petit peu frais. Du coup, Nicolas Beutard, les filles. Oui. Qu'est-ce qu'on lui propose ? Il va y aller, hein ? Hein ? Il va y aller. Il va y aller sur la place et faire quoi ? Une farandole. C'est Louis. Allez prendre toutes les personnes sur la place, les enfants aussi. Nicolas, vous pouvez, vous pouvez suivre Warren, le caméraman. Et comme ça, si vous nous suivez en streaming sur vivaforlife.be, vous allez voir cette superbe farandole. Et n'hésitez pas à danser à la maison aussi. On lui a pas dit le titre choisi. Je me réjouis déjà. Et d'ailleurs, suivez-nous en streaming. Hein, si vous êtes connectés, on voit les coulisses aussi du cube, derrière la porte jaune, là, du studio. Il s'en passe des choses. Et d'ailleurs, bravo à toutes les équipes qui sont derrière. Hein, 130 personnes nous soutiennent. Ça fait partie de la RTBF, ces 130 personnes. Bravo de toutes les équipes, télé, radio, web. Elles sont là et c'est grâce à eux qu'on est là, nous aussi. Donc, bravo les gars, vous faites du bon boulot. Et bravo Est-ce que déjà, Nicolas. La place de la digue est là pour faire une farandole ? Est-ce que vous êtes chaud ? On n'a pas beaucoup entendu. Est-ce que vous êtes chaud ? Nicolas Beutard arrive, place de la Ligue. Et profitez-en vous aussi à la maison, dans la voiture. C'est pas tous les jours qu'on entend la chenille. Allez Nicolas, faites pas le timide, on y va. Avec moi. Tous avec moi. Allez, tous avec moi. Je marche vite, hein, vous le dites, hein. Je veux plus de monde. Allez, sois pas jaloux, c'est un copain. Oh, les filles, au moins, regardez ce que je fais. Nous deux, c'est pas pareil. Personne ne veut danser avec nous. Elle vous le plaît. Lâchez-nous les baskets avec vos histoires de nana. C'est quoi, 3 km de long, cette chenille ? On va être en retard. Voilà le chef de gare qui nous fait signe. La chenille. Presque. La chenille on a même des landaux avec nous. Non ? Viens avec nous, madame. La chenille part toujours à l'heure. Je vous laisse. Accroche tes Est-ce que c'est pas un défi réussi, ça ? Il n'y a plus personne qui m'écoute dans ce. Je suis tout seul, il n'y a plus personne qui m'écoute. Enfin, je suis avec vous, sur la place de la digue, je suis ravi. Ah ! Ah non ! Faites de dos. Est-ce que je n'ai pas réussi mon défi ? Ça. Bravo, des hirondelles. Viens le troubadour, je vais lire dans ta main tes joies, tes chagrins, tes amours. Et Nicolas, là, sur la place de la vie, Nicolas Beutard, on vous voit, monsieur. Vous essayez de vous deviner, restez bien devant. Regardez. Devant la chenille. Regardez. C'est vous qui menez. Est-ce que c'est pas merveilleux, ça ? Un bisou. Et ouais. Un bisou. C'est le côté James Bond. Est-ce que j'ai pas réussi ? Là, tout ça. C'est une chenille qui fait au moins 24 km de long. 24 km, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais on n'est pas loin. Mais je ne sais pas compter, donc. Joli. Enfin. À mon avis, il y a bien une centaine de personnes, non ? Sans exagérer, à mon avis. 200, 300, mais ils sont. Ah, il y a un trou là. Il faut combler le trou, s'il vous plaît. Mayday. La chenille. Je vais pas faire ça à mon propre mariage. Applaudissez bien fort. C'est moi. Et vous savez quoi, vous pouvez tous aller embrasser Nicolas. Voilà, un bisou chacun. Mais Nicolas, on se retrouve juste après. Bravo, défi réussi. Et merci à vous tous pour l'ambiance ici, place de la Digue. On passe aussi à Patrick Hernandez. Lui aussi, il met de l'ambiance. On continue, c'est Viva for Life, c'est la fête. Troisième soirée dans le cube. C'est le choix de Michel Aperrubé. 100 euros pour Viva for Life. Grâce à lui, Patrick Hernandez, Born to be Alive. Il est encore vivant, c'est Nicolas Beutard qui nous rejoint ici dans le studio de Verre, place de la Digue. Nicolas, bravo, un chapeau. J'ai jamais reçu autant de bisous de ma vie. C'est Paris réussi, c'est vrai. Et vous savez quoi, si vous nous écoutez à la radio et que vous êtes un tout petit peu connecté, déjà branchez-vous sur notre Live Center, vous avez toutes les images en live, mais aussi on est là sur la page Facebook de Viva for Life avec les images en 360 de cette farandole créée par Nicolas Beutard, ce Paris réussi avec plus de 100 personnes au moins. Et merci d'être si nombreux ici à nous suivre, place de la Digue, avec pas mal d'ambiance aussi. Ça va Nicolas, ça fait quoi? Vous avez reçu 200 bisous alors? Plus. Ouais, comme je ne sais pas compter, 2000 bisous. Même à mon mariage, j'ai pas réussi à faire une super farandole. Jean-Luc Couchard est là aussi dans le studio de Verre. Ça va Jean-Luc, vous passez une bonne soirée? Mais oui, mais je vois qu'ils savent se marrer ici à Charleroi. Ouais. Hein. Ils savent déconner ici. Ça c'est des vrais. Ça c'est des vrais, bravo, des vrais carolos. Mais on se marre partout. Hein. Mais surtout oui, pour Viva oui. For Life, évidemment. Il y a évidemment Christelle Cornil qui est là aussi avec nous. Ça va Christelle, vous passez une bonne soirée? Ah, super. Ouais, ouais. Et Stéphane Bissot qui est là, vous restez là jusqu'à 2h du matin pour une soirée très spéciale, une soirée tapis rouge. De malade. On va faire les fous. On va faire les fous. Oh là là, ça fait quelque chose avec des blind tests, des yeux, tout ça, on va parler cinéma, quoi. Gustavo Lima sur Vivacité avec Balada, le choix de Florence Ascarbeck, 50 euros dans la cagnotte. Yes! Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o som raiar. Gata, me liga, mas tá bem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular. Que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Yeah. Gustavo Lima e você. Gustavo Lima e você. Tarde embalada, quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata me liga, mas tarde embalada, tem Gustavo Lima até de madrugada, dançar, pular que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. L'ambiance, balada, Gustavo Lima, Florence Ascarbeck, 50 euros. Il nous a laissé un petit mot, souvenir de nos vacances en 2013 avec nos deux garçons et qu'on mettait en boucle dans la voiture. C'est vrai que quand les enfants aiment quelque chose, aiment une musique, c'est vrai qu'ils redemandent souvent, on la remet, remets-la maman, remets-la papa. Excellent. Et merci à Florence pour ce bon souvenir. Soirée cinéma, vous aussi, vous pouvez participer à cette soirée, vous pouvez même jouer avec nous. Alors, comment faire? Vous allez sur vivaforlife.be, vous partagez la musique que vous aimez et puis vous mettez surtout votre numéro de téléphone, une petite dédicace aussi si vous voulez, genre je veux jouer, comme ça on risque bien de vous rappeler et vous jouez avec nous. Et vous pouvez aussi proposer de la musique de film, comme celle-ci par exemple qu'on entend, Grease évidemment, film cultissime, ou alors on a ça aussi dans la boîte. Avec Jean-Luc Couchard, Stéphane Bissot, Christelle Cornil qui sont là jusqu'à 2h du matin, Nicolas Beutart aussi, et Cubi qui vient de faire tomber une boule de Noël. Cubi, ça va pas, non? Heureusement, il a l'air à l'aise, hein, vous êtes d'accord, hein? On va le sortir s'il continue. Il est tranquille, évidemment. Ouais, il est là avec nous sur la table, évidemment. Allez, à tout de suite, juste après le journal. Avec la banque CPH, prenez le temps de la météo. Banque CPH.be. Très belle fin de soirée à toutes et tous. Cette nuit, le temps sera calme sous un ciel bien dégagé et des températures toujours bien douces pour l'époque, comprises cette nuit entre 7 et 11 degrés. Un temps sec également pour demain dimanche, mais toutefois plus nuageux qu'aujourd'hui sur l'ouest du pays. On attend par contre une alternance d'éclaircies et de passages nuageux sur le centre et l'est. Peu de changements en ce qui concerne les températures pour cette fin de mois de décembre, entre 9 et 14 degrés pour demain. Pas mal de vent annoncé pour la journée de lundi, des rafales pouvant atteindre les 60 km/h, voire 70 à la côte. On attend également une alternance de nuages et de belles éclaircies pour cette journée de lundi, avec des maxima compris, eux, entre 7 et 12 degrés. Elle est célèbre depuis plus d'un siècle. Elle détruit les mauvaises odeurs et parfume agréablement votre intérieur. La lampe Berger sera pour les fêtes l'invité d'honneur des magasins Sélection au passage Le Monnier à Liège et rue du Collège à Visé. En cristal ou en pâte de verre, en porcelaine ou en faïence, la collection la plus large des lampes Berger sera chez Sélection pour vous apporter un choix idéal de cadeaux de fin d'année et à un prix très raisonnable. Maison Sélection à Liège et à Visé. Salut, c'est Adrien Jovenot. Je vous attends le 20 décembre sur la Grand Place de Bruxelles pour le petit déjeuner des Belges du bout du monde. Il sera animé par Grand Georges. Petit déjeuner avec les Belges du monde entier. Dès 6h à la Grand Place, je serai là pour vous accompagner en chanson. Le 20 décembre entre 6 et 10 heures, venez vous régaler avec nous. Ça vous fera un bien fou. Un événement au profit de Villa for Life. Il est 23h. Le seuil de la menace passera-t-il bientôt de 4 à 5 niveaux? On en discute au sein du gouvernement, mais l'OCAM, l'organisme de référence, n'y est pas favorable. À Molenbeek, on se prépare à surveiller davantage les lieux de culte, même si on est conscient que la radicalisation ne s'opère plus forcément dans les mosquées. Élection législative demain en Espagne, au cœur de la campagne, les conséquences de la crise, notamment le chômage et les restrictions dans les politiques de soins de santé. En football, mauvaise soirée pour Charleroi et Mouron-Péru, tous les deux battus ce soir. Franck Ruel, bonsoir. Faut-il ajouter un cinquième niveau de menace terroriste en Belgique? Actuellement, l'échelle de la menace compte 4 niveaux, déterminés par l'OCAM, l'organe de contrôle et d'analyse de la menace. Mais le gouvernement fédéral examine la possibilité d'introduire un cinquième niveau. Les ministres de la Justice et de l'Intérieur ont entamé les premières évaluations. Il s'agirait d'un niveau d'alerte maximum lorsque l'OCAM dispose d'indications très précises et spécifiques sur le lieu et la nature d'une attaque. André Van Doren, le directeur de l'OCAM, n'a pas l'air demandeur. Il était l'invité du JT de 13h. Nous avons pu constater que le système actuel, en collaboration avec nos services d'appui, a fonctionné jusqu'à présent. Et soyons clairs, dans une situation telle que celle que nous avons connue ces dernières semaines, je ne sais pas comment on pourrait encore mettre un niveau en plus. Mais je vous dis une fois de plus, nous autres, nous sommes toujours ouverts à toute forme d'adaptation législative et déjà maintenant, au niveau de l'OCAM, nous avons pris des initiatives, notamment au point de vue de la méthodologie des évaluations et certainement en matière d'évaluation de menaces pour tout le territoire belge. André Van Doren, interrogé par Julie Morel. À Molenbeek, une majorité de mosquées et de lieux de prière ne sont toujours pas reconnus, c'est ce que montre un cadastre communal des lieux de culte, évoqué ce matin dans le journal L'Écho. Les autorités veulent davantage de transparence, même si elles savent que la radicalisation s'opère surtout ailleurs, dans la rue ou sur les réseaux sociaux. Les explications de Jean-Claude Hénuit. Actuellement, 22 mosquées sont répertoriées, mais toutes ne sont pas reconnues. Djamal Abachiche, président du conseil consultatif des mosquées de Molenbeek. Il y a 4 mosquées, je dirais même 5, qui sont reconnues par la région de Bruxelles-Capitale, subsidiées partiellement sur donc, le déficit budgétaire. Et leurs imams sont payés par le fédéral, mais les mosquées qui ne désirent pas d'être régularisées restent à la marge, je dirais, des lieux de culte officiels. La plupart des mosquées souhaitent être reconnues, mais la procédure d'officialisation est longue. Pour d'autres, la situation n'est pas claire. Quand vous avez par exemple des mosquées qui sont dans des ethnies différentes, on parle des dialectes qui n'est ni le français, ni l'arabe, ni le turc, on ne saura même pas qu'est-ce que se prêche exactement. À côté des mosquées, il y a d'autres lieux de prière, parfois difficiles à identifier, Sarah Turine et Chouine Écolo. La police fasse son travail surveille les recruteurs et les lieux où ils embrigadent les jeunes, ça c'est évidemment leur job, mais ce n'est pas nécessairement avec ce cadastre qu'ils vont y arriver. Car la radicalisation se fait surtout via les réseaux sociaux, la rue ou des appartements anodins. D'où l'intention des autorités de cibler les lieux suspects, la bourgmestre Françoise Kepmans. Cibler les lieux de rencontre, les fausses ASBL qui ont des activités illicites. Un point qui fait partie du plan anti-radicalisation de la commune. L'achat par la SNCB de 445 nouveaux wagons pour un montant d'1,3 milliard est une bonne nouvelle pour le consortium Alstom-Bombardier, une moins bonne apparemment pour les personnes à mobilité réduite. Les portes seront en effet trop hautes par rapport aux quais, d'où des difficultés pour embarquer. La SNCB parle de la mise en place d'une marche amovible. Elle souligne aussi que les personnes en chaise roulante peuvent bénéficier d'une assistance, mais alors il faut s'y prendre 24 heures à l'avance. Bref, les personnes à mobilité réduite réagissent mal. Gisèle Marlière est la présidente du Conseil national de la personne handicapée. C'est vraiment se foutre de l'enjeu de l'accessibilité au niveau des personnes handicapées. Et ça ne concerne pas que les personnes en voiturette. Hein. Ça concerne également toutes les personnes qui ont des problèmes de mobilité, dont les personnes plus âgées. On commande un charroi, ce qui n'est pas anodin, 445 voitures, on est parti pour 30 ans. Pour 30 ans de quémander de l'assistance, alors qu'on recommande d'utiliser les transports en commun. C'est vraiment indécent. Des propos recueillis par Simon Gérard. Par ailleurs, concernant le conflit social à la SNCB, le gouvernement fédéral a renvoyé la balle dans le camp des syndicats. Des conciliateurs seront désignés pour déminer le conflit, mais à condition que la CSC et la CGSP renoncent aux 5 jours de grève annoncés pour janvier. La réponse syndicale est attendue lundi au plus tard. Le réacteur de Tihange 1 est à l'arrêt depuis hier soir. En cause, un début d'incendie en dehors des installations électriques. Un court-circuit se serait produit dans un tableau électrique. Quoi qu'il en soit, cet incident a provoqué la mise à l'arrêt automatique de la centrale. Tihange 1, c'est le plus vieux des 3 réacteurs. Sa mise en service date de 1975 et sa durée de vie a été prolongée jusqu'en 2025. Des spécialistes s'interrogent sur la fiabilité de centrales aussi vieilles. C'est le cas de Damien Ernst, professeur à l'Université de Liège et spécialiste des questions énergétiques. C'est inquiétant parce que, en tout cas, je pensais que la partie, tout ce qui était les éléments électriques de cette centrale, là, même pour la partie non nucléaire, avait été remis à jour récemment, et donc on avait affaire en tout cas du matériel neuf, et donc c'est inquiétant effectivement de voir comme ça tout à coup un incendie dans un tableau électrique, chose qui ne devrait pas arriver. Ça pose des questions de fiabilité selon vous par rapport à ces centrales? En tout cas, ça met en avant très clairement que Electrabel a de plus en plus de difficultés à maintenir ces centrales au-delà d'une période de vie de 40 ans avec le même niveau de fiabilité qu'elles avaient à leur début. Ce genre d'incendie n'aurait pas dû se passer, même s'il est sans conséquence sur la partie nucléaire de la centrale. Damien Ernst, contacté par Miguel Allot. Par ailleurs, l'association Nucléaire Stop envisage une action en justice à la suite du redémarrage des réacteurs de Doule 3 et Tihange 2. Un redémarrage qui s'effectue de manière très lente et, selon le porte-parole de l'association antinucléaire, c'est pour une bonne raison. Les ingénieurs d'Electrabel estimeraient qu'il est préférable de chauffer et pressuriser la cuve beaucoup plus lentement qu'auparavant à cause des fissures et de la friabilité. C'est ce qu'affirmeraient des sources proches des centrales. Bref, l'association est inquiète et envisage donc de porter l'affaire devant la justice. Les Espagnols votent demain des élections législatives sur fond de crise. L'emploi, le chômage à 21%, la pauvreté sont au cœur de ce scrutin et ça pèsera sur le vote. Autre préoccupation pour les Espagnols, la santé publique et les coupes dans les financements, moins 20% en 4 ans. L'impact en termes de santé publique commence à se faire sentir. Baisse de l'espérance de vie, nombre de suicides en hausse et un accès aux soins plus limité. Marie-Paul Jeunhomme et Patrice Hardy ont pu le constater à Madrid. Toutes ces restrictions budgétaires ont conduit à la disparition de 50 000 postes de travail, infirmières ou médecins, dans la santé publique. Angela Hernandez est chirurgienne dans un hôpital public de Madrid. Pour 10 médecins qui partaient, on n'en a engagé qu'un seul au maximum. Cela a conduit à une diminution des équipes. La crise et les restrictions ont touché les patients également. Les listes d'attente s'allongent dans les hôpitaux. Certains malades renoncent même à leur traitement. Des cas extrêmes, oui, quand un pensionné n'a que la pension minimale et qu'il doit loger et subvenir aux besoins de ses enfants au chômage à cause de la crise. Alors oui, tout cela est dramatique, effectivement. Des restrictions qui ont également touché le matériel sanitaire dans les hôpitaux. Au moment de faire les achats, ils regardent plus le prix que la qualité. Ils nous ont changé les gants stériles de chirurgie. Quand tu les mets, ils se déchirent. Si tu transposes cela pour le matériel de chirurgie ou si tu vois qu'ils ne renouvellent plus le matériel technologique, on en arrive à une situation qui pourrait devenir critique. On pourrait dire que la santé publique est aujourd'hui en danger? Je dirais que oui. 98,4% de oui. Les Rwandais ont voté à une très large majorité en faveur d'une révision de la Constitution. De quoi permettre au président Kagame de se présenter pour un nouveau mandat en 2017 et de potentiellement diriger le pays jusqu'en 2034. Paul Kagame n'a pas encore dit s'il se représenterait en 2017. Sa décision dépendait des résultats du référendum. L'ampleur du vote en faveur du oui devrait l'inciter à se présenter à nouveau. Ce qui n'enchante pas la communauté internationale. Plusieurs pays, États-Unis en tête, ont appelé Paul Kagame à quitter le pouvoir en 2017. Il dénonce son manque d'ouverture politique et ses entraves à la liberté d'expression. En football, très mauvaise soirée pour les clubs ennuyés. Charleroi voit les portes du top 6 s'éloigner après cette défaite 2-1 chez la Lanterne Rouge à Westerlo. Les Zèbres ont pourtant très bien débuté le match. Ils ont rapidement mené 0-1 avant de plier puis de rompre. Pourquoi Francis Nganga, le défenseur Carolo, a son avis sur la question. On a fait 20 premières minutes exceptionnelles et après plus rien. Je sais pas pourquoi. On va en parler, on va voir ce qui s'est passé parce que c'est pas normal qu'il n'y ait plus rien comme ça après 20 minutes de jeu. Oui, parce qu'on peut même pas dire que Westerlo a été génial après 20 minutes non plus. J'ai l'impression que c'est Charleroi qui a déjoué. On a déjoué, on les a laissés prendre confiance et c'était un rapport de force et au niveau de ça, ils sont venus dans notre camp et ils ont marqué ce premier but sur coup de pied arrêté, leur point fort. C'était à nous de jouer plus haut, de monter le bloc et ce qu'on n'a pas fait. Francis Ngaga avec Ebi. Brouzakis en bas de classement. Très mauvaise opération pour Moucron-Perruet, battu 0-1 par Wasland Beveren, un autre adversaire direct dans le bas du classement. Samuel Grulois recueillit la réaction du médian hurlu Luigi Vaccaro. On se devait au moins de ne pas perdre ce match. Malheureusement, je pense sur leur seule occasion du match, pratiquement, ils ouvrent le score. Et voilà quoi. Je pense qu'on avait la possession de balle. Je pense que niveau possession, c'est peut-être un de nos meilleurs matchs. Mais voilà, ça montre encore que la possession, ça veut rien dire. Et il faut qu'on concrétise nos occasions si on veut gagner un match. Quoi. Je pense qu'on a fait ce qu'il fallait faire. Voilà, c'est le football. Victoire de Westerlo, donc, de Wasland Beveren et d'OHL 3-1 face à Malines. Au classement, Moucron se retrouve 14e avec 21 points. Les Hurlus conservent 3 points d'avance sur OHL et 5 sur Westerlo, avec aussi un match en moins. Ce sera mardi face à Charleroi. Pour être complet, rappelons la victoire de Genk 3-0 face à Saint-Tron. Soirée de gala et smoking de sortie. Les prix de sportive et sportif de l'année ont été distribués ce soir à Bruxelles. Un footballeur et une boxeuse ont été récompensés, Christine Onquet. L'année dernière, quand Thibaut Courtois avait été couronné sportif belge de l'année, on avait souligné qu'il était le premier footballeur à recevoir ce prix, créé en 1967. Eh bien, il n'a pas fallu attendre longtemps avant de voir un autre joueur de foot lui succéder. C'est Kevin De Bruyne qui a été élu meilleur sportif de l'année 2015 par les journalistes sportifs belges. Meilleur joueur du championnat d'Allemagne la saison dernière, pilier de Manchester City et des Diables Rouges. Il a devancé Philippe Milanov, vice-champion du monde du lancement du disque. Chez les dames, c'est Delphine Persson, championne du monde de boxe, qui a été élue sportive belge de l'année. Dommage que toujours fâchée de ne pas avoir gagné ce prix il y a 12 mois, elle ait boycotté la cérémonie. Le football a été mis à l'honneur une deuxième fois après la victoire de Kevin De Bruyne. En Van Azebroek, le coach de la Gantoise, a été désigné entraîneur de l'année. En revanche, les Diables Rouges ont été devancés pour le titre d'équipe belge de l'année par les joueurs de tennis finalistes de la Coupe Davis. Enfin, l'espoir de 2015, c'est le cycliste Tige Benoot, 5e du Tour des Flandres. Et du côté des sportifs moins valides, c'est Marieke Verwoerd qui a été récompensée pour ses 3 titres de championne du monde en athlétisme. Ce journal est terminé. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin de soirée, une très belle nuit. Avec Sarah de Padua. Bonsoir tout le monde, toujours en direct pour ce marathon Viva for Life, pour ce marathon de générosité. Merci déjà pour tous vos dons, mais on peut faire mieux. Objectif, faire exploser le compteur de l'année dernière, plus de 2 103 000 et quelque chose. Et du coup, forcément, on compte sur vous. On est en direct depuis la place de la Digue, ici à Charleroi, où il y a encore pas mal de monde qui est là et qui nous regarde à travers la vitre. Bonjour le monde. Coucou. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Vous passez une bonne soirée. Ah ben c'est super, d'autant plus qu'on est loin d'être tout seul ici dans le studio de verre du beau monde, du cinéma, parce que c'est une soirée cinéma, c'est une soirée tapis rouge avec Jean-Luc Couchard qui est là. Ça va Jean-Luc? Super. Il y a Christelle Cornille qui est là également. Ouais. Madame a un Magritte chez elle sur son étagère, alors on dit Madame Cornille. On dit Madame, oui s'il vous plaît. Il y a Stéphane Bissot aussi, oui, qui est là de la série. Il y a eu 3 épisodes sur une télé, la et série en bruxellois. Melting Pot. Hein. Combien? Pas 3 épisodes, hein, 3 saisons. C'est ce que je voulais dire, j'ai pas dit ça. Et Stéphane Bissot aussi, elle a un Magritte, mais accroché au mur de son salon. Soirée cinéma, et vous aussi, vous pouvez jouer avec nous, parce que Nicolas Beutart, c'est là aussi dans la place, en maître de cérémonie, il nous propose des blind tests, on va jouer tous ensemble. Comment faire pour participer à notre jeu? Déjà, on l'a fait tout à l'heure, place de la Digue, des personnes, des auditeurs couraient pour nous donner la réponse, parce qu'on ne trouve pas tout. Et vous aussi, à la maison, au boulot, vous pouvez participer. Comment faire? vivaforlife.be. Vous faites un don, vous choisissez une musique, musique. Et dans le commentaire, vous mettez votre numéro de téléphone, genre je veux jouer. Et promis, vous allez jouer avec nous ce soir sur Vivacité et sur vivaforlife.be en streaming. Vous pouvez nous suivre 24 heures sur 24. On est là pour ça. On est là aussi pour les enfants, forcément. On est là pour faire les clowns, pour attirer l'attention. Mais on est là surtout pour eux. Ils sont 80 000. Ils vivent chez nous, en Fédération Wallonie-Bruxelles, en Belgique francophone. C'est un enfant sur quatre qui est dans la pauvreté. Et j'imagine ce soir, nos talents sont là aussi pour soutenir ces causes, cette cause. J'imagine que ça vous touche aussi. Je commence par les filles, Christelle, Stéphane. J'imagine que vous êtes là aussi pour nous soutenir. Bah oui, totalement. Moi, en plus, j'ai deux voisins qui s'occupent d'une petite fille qui est en maison d'accueil chez eux. Et voilà, je trouve que les enfants ont particulièrement besoin de soutien. Et c'est important de pouvoir aider les gens qui les soutiennent, pour aider leurs parents à vivre mieux. C'est du concret, donc forcément ça vous touche. Ouais. Stéphane Bissot, j'imagine que vous aussi, vous avez un message à faire passer pour encourager tous nos auditeurs, téléspectateurs à faire un don. Ben, perso, moi j'ai été élevée par une mère qui a un peu tout porté toute seule. Et donc elle a démarré galère, et puis elle a été très très courageuse, et elle m'a donné un milliard de choses. Mais je sais que si le soutien de la famille, des amis et puis du grand cercle n'avait pas été là, je pense que ça aurait été beaucoup plus dur, entre les petites chaussettes, les pulls tricotés, les choses récupérer aux œuvres et tout ça. Maintenant, je ne suis plus là, mais c'est important de soutenir les familles en faiblesse, vraiment. La solidarité, être ensemble aussi, tout seul, souvent c'est l'isolement, on veut lutter contre ça aussi, justement, donc on est là tous ensemble pour faire des dons et pour venir en aide, justement, à ces associations qui sont sur le terrain. Jean-Luc Couchard, vous aussi, ça vous touche, évidemment. Bah, évidemment, parce que moi, j'ai une petite fille de 5 ans, donc voilà, et puis je pense à tous ces petits binamés, comme on dit chez nous, c'est des petits binamés mondiaux, et je les embrasse fort, les petits binamés. Hein, je les aime bien, et je suis ici pour Soula, hein, ça va? Merci d'être là, en tous les cas, on est là pour faire la fête. À vous aussi de la faire avec nous via forlife.be. À vous de choisir la musique que vous aimez. Viva for Life. Ah, quand on parle soirée cinéma, il était dans le blind test tout à l'heure, c'est Ghostbusters, Ray Parker Jr. proposé par Jonathan à l'Iskert, 120 euros pour Viva for Life, 120 euros, c'est juste énorme. Merci à lui, 120 euros dans la cagnotte. Il nous remercie les trois animateurs pour leur engagement, et j'espère que cette magnifique initiative permettra à tous les enfants de Belgique de passer de belles fêtes de fin d'année. Ghostbusters, qu'il a vu le film, tout le monde évidemment autour de la table, qu'il a aimé le film. Ouais, évidemment. Et pourquoi c'était culte à l'époque, Nicolas, ce film-là? C'est dingue. Mais parce qu'en fait, on avait une bande de bras cassés qui s'improvisait chasseurs de fantômes, et on a tous rêvé. Les fantômes nous ont toujours fait peur, en tout cas quand on est petit. Et là, on avait des chasseurs de fantômes. Okay. Ben, on aurait bien voulu avoir aussi un aspirateur sur le dos pour les aspirer comme ça, ces fantômes. Et souvenez-vous d'un des fantômes, il y avait un petit ver glouton qui était merveilleux, un peu maladroit lui aussi. Et voilà, et puis il y avait la belle Sigourney Weaver aussi qu'il fallait sauver. C'était l'époque du slime aussi. Ouais, on est en 83 plutôt, oui, 80, début des années 80. Alors, il y a ce fameux, c'est la scène finale du premier où il y a ce marshmallow géant. Ouais. Qui envahit comme ça New York. Il y a eu King Kong, et ben après il y a eu le marshmallow géant. Vous savez quoi, arrêtez de dire marshmallow parce que à ce mot là mon estomac qu'est-ce que vous dites, qui je mange, mais il y a du marshmallow liquide hein. Allô, coucou, il y a Galatea qui est là avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être ça là bien. Oui, ça va, et vous? Ça va bien, merci. Alors Galatea, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une jeune actrice. On l'entend. Que l'on verra bientôt dans le film Keeper. Mm-hmm. Et c'est intéressant en fait parce que dans ce film, Galatea joue le rôle d'une adolescente qui tombe enceinte. Et l'on sait que Viva for Life, Viva for Life défend plusieurs causes. Hein, oui. Permet de récolter de l'argent pour donner à des associations, dont certaines associations qui s'occupent de ces filles mères, qui s'occupent bien sûr de ces filles mères, qui leur permettent de vivre à la fois leur vie d'adolescente, mais aussi leur vie de maman. Alors moi, j'avais une toute première question pour vous, Galatea. D'abord, dans ce film Keeper, qu'est-ce qui vous a intéressé? Parce que vous êtes aussi une adolescente, donc c'est un vrai rôle de composition, mais qu'est-ce qui vous a surtout plu dans cette histoire? Déjà, le fait que ce soit le point de vue du garçon, je trouvais ça intéressant. Mais c'est surtout, en fait, j'ai été intriguée par la méthode de Guillaume, qui travaille sans scénario. Mmh. Et quand il m'a proposé de faire le film, c'est la première chose que je lui ai demandé, c'est oui, d'accord, mais est-ce que je veux bien lire, enfin, est-ce que c'est possible de lire le scénario? Puis il m'a dit, en fait, je donne pas le scénario au comédien. D'accord. Et à partir de là, ça m'a intrigué, et du coup, en plus de cette histoire et jouer une fille enceinte, ce qui est original, parce que j'avais jamais fait, et du coup, ça m'a intrigué, voilà. Galatea, tu as quel âge, si je peux demander? 18 ans. 18 ans. Dites donc, déjà voilà. Bien mûre, non? Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Elle a 18 ans, et moi, ouais, je voudrais la féliciter, parce que le week-end dernier, si je ne me trompe pas, Galatea, tu as été nommée meilleure actrice au Festival du film de Marrakech, oui, par Monsieur Coppola. Merci beaucoup, wow, oui. Wow. Dites donc, rien que ça. Eh ben... Waouh. Pour ce film-là. On a des actrices, évidemment, dans ce cube. Ça vous plairait, vous, d'accepter un film sans avoir lu le scénario? Comment Je trouve l'idée extra. C'est un peu ce qu'on a accepté ce soir dans le cube. C'est carrément ce qu'on a accepté. Et on a déjà dansé une farandole. Et ce n'est pas fini, vous êtes là jusqu'à 2h du mat. Alors, Galatea, comment est-ce qu'on se prépare quand on est comme ça? Est-ce que vous êtes un peu renseignée sur la vie de ces filles mères? Qu'avez-vous découvert? En fait, j'ai beaucoup regardé les femmes enceintes dans la rue. Parce que leur démarche et tout, c'était ça qui me faisait un peu peur, j'avoue, quand je devais interpréter. Et après, on a beaucoup parlé avec Guillaume aussi. On est allé dans des maisons où il y avait des jeunes filles enceintes qui étaient là pour se faire aider. Et du coup, c'était très intéressant à voir et touchant aussi. Enfin, ouais. Pour nous, les acteurs, le travail du corps, c'est fondamental, hein. Oui. Ouais, tout le nom dit. Fort, oui. Oui, évidemment. Le film sort quand? Le film Keeper. Le film sort l'année prochaine. Enfin, je dis ça, mais c'est tout de suite l'année prochaine, c'est dans 10 jours. Hein, donc, exactement. Je ne m'en mouille pas énormément. Il y a une avant-première au BE Film Festival le 27, non? Quand ça? Le 26 ou le 27, ouais. Le 26 ou le 27 décembre, s'il y en a que ça intéresse, ça vaut vraiment le coup de venir. Avant-première de Keeper. Surtout que le BE Festival est un festival qui permet de voir beaucoup de films belges et on tourne beaucoup de films en Belgique, des films de qualité, vous devez le savoir, et vous devez aller voir ces films parce que c'est des films tournés près de chez nous, comme je ce sont nos talents aussi. Ce sont nos talents, il nos faut techniciens les soutenir. Qui ont du talent, nos acteurs. Viva for Life et viva for le cinéma. D'ailleurs, Star Wars a été tourné en Belgique, d'ailleurs. Bien sûr, évidemment. Star Wars, c'est belge. Galatea, merci pour ton sourire, R2, merci pour ton talent. Nous. Keeper, donc, à voir très bientôt. On t'embrasse. Passe une bonne soirée. Gros bisous. Moi aussi. Merci d'être passé. Et bon courage. Bisous. Ça va, c'est vraiment cool. Ça va d'aller. Ça va d'aller. Merci. Salut, gros bisous. Louane sur Viva for Life, sur Vivacité, nos secrets finalement d'Olivier. This ain't loving, this ain't loving. I'll see you. rochers. Malgré tout voyager, des retours, des allées, descendre, remonter, à l'espoir adossé. Malgré tous nos secrets, resteront bien gardés. La douceur, la beauté, nos atomes accrochés. Malgré tout essoufflé, au centre ou dispersé, ce si joli bouquet te peut être affané. This ain't loving, this ain't loving, un si joli bouquet, nos atomes accrochés. Elle était formidable aussi dans la famille Bélier. Ça aussi, c'est un jeune talent exceptionnel. Est-ce qu'on peut avoir l'avis des pros ici autour de la table? Christelle, Christelle et Stéphane, il y a Jean-Luc Couchard qui est là aussi. Qu'est-ce que vous pensez de Louane en tant qu'actrice, comédienne? Moi, elle m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée dans ce film. Oui. Et le film en soi m'a beaucoup plu. En fait, c'est vraiment du cinéma populaire, grand public. Et... Mm-hmm. Et voilà. On parlait de l'expression du corps hein, en tant qu'actrice, ben là forcément comme la voix c'est quelque chose aussi. Hein. Ouais, exactement. C'est pas évident pour les autres acteurs aussi de faire des sourds muets. Vous voulez une petite anecdote sur Louane? Oui. Louane. J'ai rencontré Louane et je faisais une interview d'elle sur un green key, donc un fond vert. Oui. Et vous savez que, enfin pour les acteurs qui sont autour de cette table et pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous l'apprendre. Enfin c'est pas très prétentieux ce que je dis, mais si vous avez un pull vert sur un fond vert, en fait vous n'existez pas. Oui, c'est ça. On voit le visage et les mains. Voilà. Et bien ce jour-là, Louane, elle avait un pull vert. Et donc, sur mon fond vert, c'était pas dingue. Alors, elle a eu ce geste merveilleux. Elle s'est déshabillée, voilà. Elle s'est déshabillée. Elle a enlevé son pull. Pendant toute l'interview, elle était en soutien-gorge et elle avait remonté son perfecto. Donc, en fait, j'avoue, je n'ai pensé qu'à ça. Je me suis dit, elle est quasi nue sous son perfecto. Mais ah ben voilà, on y arrive. C'est un petit difficile. On oui, mais quand même. À partir de minuit, il se passait des choses, non? C'est pas. On y est presque. On y est presque. Il est presque 23h30. Juste... Où est ton côté professionnel, quand même, toi? Et c'était le choix. C'était le choix d'Olivier qui a faux les tombes. Bonsoir Olivier. Bonsoir Olivier. Est-ce que vous êtes là par téléphone? Oui. Ah. Oui, bonsoir. Bienvenue dans Viva for Life. 60 euros pour la cause. Merci pour votre don. Et vous avez aussi des petits bouts à la maison, Olivier, j'imagine. Oui, tout à fait. En fait, c'est Louise qui, on était dans la voiture, a dit que c'était une bonne action. Et puis, si tu donnes des sous, je doublerai la somme. Donc, elle a donné 5 euros, puis Hélène 5, puis Clément 5, et puis Antoine 5. Et donc, J'ai fait x2, ce qui fait 60 euros. Oh, génial, c'est une belle c'est histoire, parfait, ça, Olivier. Parfait. Prenez plus de monde dans votre voiture. Oui. Achetez une camionnette, un bus. Olivier, est-ce que vous avez envie de jouer avec nous ce soir? Oui. Oui, vous y connaissez un petit peu en cinéma? Tout petit peu. Allez, c'est vous parti. Vous allez voir, c'est très simple. En fait, pour vous, Olivier, j'ai un blind test de réplique culte de film. Alors, le principe est simple. Vous pouvez même tous jouer avec nous, chez vous à la maison ou ici sur la place de la Digue ou dans ce cube. Je vais vous diffuser un extrait de film et vous devez me donner le titre du film. Est-ce que l'on est parti pour le premier extrait? Olivier, vous êtes prêt? Allez. Oui. Vous êtes le grand-père de votre mère, c'est-à-dire de ma femme. Elle ne s'appelle pas Clémentine, elle s'appelle Edmé. Génial. Alors Olivier, avez-vous trouvé de quel film est tiré ce délire? Bah, c'est De Funès, c'est La Folie des Grandeurs, peut-être. Non. C'est Le Corneau, non? Non, c'est non plus. Allez-y, Jean-Luc a la réponse. Alors, c'est Hibernatus. Bah oui, c'est Hibernatus. Ah, bah oui. C'est Hibernatus, elle s'appelle pas Clémentine, elle s'appelle Edmé. Olivier, c'est pas grave, vous allez vous refaire. Oui. Alors, deuxième réplique culte. Bah alors là, je crois qu'il n'y a pas plus culte. Obi-Wan ne t'a jamais dit ce qui est arrivé à ton père. Oh, il m'en a dit assez. Il a dit que vous l'avez tué. Non. Je suis ton père. Du tout, hein. C'est vraiment un truc. C'est un petit film indépendant, ouais. Sorti dans le plus strict anonymat. Mais ouais, exactement. En toute discrétion. Alors, dites-nous, Olivier, de quel. Alors, soyez précis parce qu'il y en a quand même. Il y en a 7 aujourd'hui. Il faut trouver le bon titre. Oh, dites-nous tout. Oula. Bah alors, c'est Star Wars, c'est le 6e. Ben non. Et après, le nom, je ne sais pas. Non, c'est pas le 6e. Ah non, le 6e, c'est le retour du Jedi. Mais c'est Star Wars. Alors, on peut dire. On peut donner un point. Vous savez quoi, j'accorde le point. Ah, mais c'est gentil. Ah, oui. C'est gentil. En fait, c'est l'Empire contre-attaque, c'est le 5e. Mais bon. Bon. Bah, c'était. Allez, Olivier, dernière chance. Merci, la gueuse. Tu es un laidron, mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à un pote? Elle est bouleillante, c'est hélas. C'est quoi qu'un peu clairette? Bon, alors dites-nous tout, Olivier. Est-ce que vous avez trouvé d'où est tiré cette. Allez, un film historico-comique. Historico-comique. C'est rigolo, ça, historico-comique. Bah, Les Visiteurs. Ouais. Quel numéro? Le 1, bah, le premier. Oui, le premier. Bravo, Olivier. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un ici autour de la table qui va jouer dans le tout nouveau Visiteur. C'est une femme. Qui sortira le 6 avril 2016. Il sait, Christelle? Ouais. J'ai Christelle Cornille. Une petite apparition. C'est vrai? Et je joue aussi une petite apparition dedans. Ah, toi, c'est vrai? Vous n'êtes pas une femme, Jean-Luc. On vous le répète depuis. Je ne suis pas une femme non plus, mais. Et quels sont vos rôles alors? Moi, je joue la maîtresse de Marat. Mm-hmm. Et moi, je joue le gendre. Le gendre. L'accusateur, le gendre. Est-ce que vous parlez aussi avec des accents ou pas? Pas du tout. Non? Non. Il faut dire que nous sommes en pleine révolution française. Ouais, ouais, ouais. Donc, Et le film a été tourné en partie en Belgique. À Namur. Et à Prague. À Prague. Ouais. Moi, j'ai tourné à Prague, pour ma part. Namur, moi. Ouais. Avec Christian Eck, qui joue Marat, qui est super. Moi, Christian Clavier. Regardez-le, ils disputent. Moi, je préfère Christian Eck. Et avec Marianne Chazelle aussi. Pas de bagarre. Gros bisous, Olivier, on vous embrasse. Merci d'avoir joué avec nous. C'était pas mal du tout. Et gros bisous à tous les enfants alors qui ont participé à cette opération. Ils ont chacun mis 5 euros et du coup, ça fait la somme de 60 euros. Passez une excellente nuit. C'est le dodo bientôt, là, Olivier? Oui, bientôt, oui. Allez, courage. Gros bisous, on vous embrasse bien fort et bon week-end, bon dimanche demain. On marque une pause et puis on revient évidemment avec notamment Van Halen. Ça, c'est du lourd. Wow. Viva for Life, avec nos partenaires. On aime tous prendre soin de ceux qu'on aime. Solidaris, c'est votre bonheur qui va être content. Gaz, électricité, solidarité. Aurès soutient Viva for Life. Vos cadeaux parfums, votre beauté et votre bien-être méritent le meilleur. Chez Audrey, c'est votre garantie de perfection. Ces cadeaux de rêve en soins de beauté, relaxation ou parfumerie, Audrey vous les apporte avec son service réputé pour votre totale plénitude. Audrey Parfumerie, Institut et tellement plus. À Liège, Fléron, Spa, Boncel, audrey.be. And woman. Liquidation totale avant déménagement chez Timister à Herve. Moins 30% sur toute la collection hommes et moins 40% pour les femmes. Dépêchez-vous. Ouverture les dimanches 27 décembre et 3 janvier. Timister, Outrecours à Herve. Viva for Life. Cette semaine, Flair soutient Viva for Life et donne la parole à de jeunes mamans célibataires. La précarité, elles connaissent et la défient chaque jour. Le château de Modave présente son exposition de fin d'année. Le château fait son cinéma. Dans les différents salons, plus de 25 scènes de films cultes recréées dans les moindres détails. Le château de Modave, à 10 minutes de Wii, ouvert tous les jours de 11 à 18 heures. Info sur modave-castle.be. Cité Ain't Talk About Love, ça déménage, c'est ça Viva for Life aussi, c'est la fête, il est un peu plus de 23h30 maintenant et c'est jusqu'au bout de la nuit. C'est le choix de Ludovic de Namur, 50 euros on prend bien évidemment dans la cagnotte de Viva for Life. J'aime cette chanson et j'aime surtout ce que vous faites, continuez. Ludo qui est passé via le site vivaforlife.be, allez-y, c'est non-stop, c'est jour et nuit, continuez, on est là jusqu'à mercredi soir, un seul objectif, faire exploser le compteur. On a beaucoup de personnes à la boîte aux lettres, bonjour. Approchez-vous bien du micro, même vous Stéphane Bissot, approchez-vous du micro. Les scouts de Charleroi amènent 148 euros, c'est ça? Non, les scouts de Casto. Ah pardon, vive Casto. On t'a bien compris Stéphane. Bravo, félicitations, c'est beaucoup de sous. Et vous avez fait quoi pour avoir tous ces sous? On a organisé un marché de Noël avec les scouts de Casto et tous les parents ont payé leur boisson et on est venu apporter tout l'argent qu'on avait récolté. Ah, génial. Bravo, félicitations. Merci pour eux. Merci pour les enfants qui en ont tellement besoin. Alors, notre chanson, c'est Queen Bohémienne. Ah, alors. C'est bien que vous demandiez une chanson parce qu'en fait, le principe pour les chansons, comme il y a beaucoup d'argent en jeu, etc., ça doit être vérifié. Et on peut que passer via le call center ou via vivaforlife.be. Mais peut-être que si vous faites des yeux doux, peut-être qu'on va avoir quelques notes comme ça, toutes petites. À vous de faire des yeux doux, les filles. Call center, bonjour, notre chanson est... Et cela dit, j'en profite. 140. On a une soirée feu de camp lundi soir. Vous serez là, vous serez ici sur la place. On va presque faire un feu, parce que ça, c'est pas possible, c'est pas permis. Mais on va beaucoup chanter aussi pour cette soirée feu de camp. Vous revenez, les filles? Oui, et c'est sûr qu'on entendra un petit Queen. Gros bisous et merci pour les sous. Vous êtes super. Bonjour, Charlie est là, Charlie Dupont. Comment oui, ça va, bonjour. Charlie? Bonjour. Allô, ici la Terre. Bonjour, Sarah. Ici le studio bonjour, de ici Vert. La Lune. Viva Forla. Ben voilà, et comment ça se passe sur la Lune? Quel temps il fait? Pas de gravité maximale, contrairement à ce qui se passe sur la Terre. Ça va, Charlie Dupont, merci d'être là. Merci à vous d'être là, surtout, sur le pont. joli. Charlie Dupont, pour ceux qui ne connaissent pas, Nicolas, c'est qui? C'est quoi les films cultes? Dites-nous tout. Entre autres, j'aime beaucoup Charlie Dupont et il le sait et on s'est déjà croisé plusieurs fois. C'est Nicolas Beutars qui est là. Mais oui, il est dans bonjour, la place. Bonjour Nicolas Beutars. Bonjour Charlie. Grand spécialiste de cinéma. Moi, je suis, on dit allô Charlie Dupont, mais non, il faudrait dire toc toc toc. Oh, qu'il est bon, qu'il est gentil, qu'il est amusant. Mais oui, bah alors je le fais. Parce que pour nos auditeurs, il faut savoir que l'une des spécialités... Tout le monde n'a pas suivi tout non plus. L'une des spécialités de Charlie Dupont, c'est ce terrible jeu du toc-toc-toc qui est là. Qui est là? Donc je vais me lancer, on va le faire en direct avec lui. Donc toc-toc-toc qui est là. Oui, mais je ne sais plus. Donc c'est... Non, alors c'est vous qui allez faire toc-toc-toc. C'est toi le toc-toc-toc. Mais c'est Charlie, on comprend rien les gars. On refait. Allez-y Charlie. Vas-y toi, c'est toc toc toc et je te réponds. Mais bon. Non, parce que moi j'en ai pas de Charlie. Toc toc toc. Sarah. Merci Stéphane. Sarah. Oui. Toc toc toc. Qui est là? Sarah. Qui? Sarah qui? Sarah qui? Sarah va et Sarah vient. C'est fait de tout petit rien. Ça se chante et ça se danse et ça se chante. Il y a comme une chanson populaire. Ah, encore un. C'est ce que je voulais expliquer, mais je l'ai mal fait. Qui est là? Bardo Weaver qui? By the waves of Babylon, where we sat down. À vous, Christelle. The waves of Babylon. Away. Where we sat down. Yeah, we were. Quelqu'un qui chante très bien en yaourt dans votre studio, je ne sais pas qui c'est. C'est Stéphane Bissot qui dit bonjour, Charlie. Oh, respect à Stéphane. Moi j'en ai un. Allez-y. Toc-toc-toc, qui est là? Qui est là? On dirait. On dirait, c'est pas un prénom. Hein. On dirait qui? C'est pas un prénom. On dirait le Sud. Oui. C'est Ondine. Tu connais quelqu'un qui s'appelle On dirait, toi? On peut le faire avec Ondine. Ondine. On dit à trois ce soir. Non, c'est pas une chanson. Ondine, oui. Oh là là. Qui on a autour de la table? On dirait. Ou tu voudras. Non. Jean-Luc Couchard, vous en avez un? Mais moi, j'en ai déjà fait, moi, donc. Allez, mais on refait. À vous de jouer. Oh, mais c'est Jean-Luc. Ah, mon petit Charlie, mon petit Charlie. Moi, c'est Jean-Luc qui est là. Mais qui est là? Oui, alors il faut absolument aller voir la chaîne YouTube qui est là, parce que les choses que Jean-Luc fait sont formidables. Toc, toc, toc. Vas-y. Toc, toc, toc. Qui est là? Félix. Félix qui? Félixita! Et la princesse la Novara la Felicita! Ouais, joli! Bon, c'est pas tout ça. Sinon. Et moi j'ai pas fait de bisous à mon ami Charlie. Attends, mais y'a pas le toc toc toc avec Joyeux Noël? Mimiche. Mimiche! Oui, toc, vas-y. Me wish you a Merry Christmas. Me wish you a Merry Christmas. Me wish you a Merry Christmas and a Happy New Year! Oh, Charlie Dupont, merci d'être là. J'imagine que notre cause vous touche et c'est pour ça que vous êtes là si tard avec nous. Bah, c'est-à-dire qu'il y a une heure où il n'y a plus rien d'autre qui nous touche qu'une cause, donc on est seul dans son hôtel, on s'ennuie. Oh, et il faut bien se laisser toucher par quelque chose, si je peux me permettre. Oh, joli. Oh, joli. C'est beau. Bisous, Charlie. Ah, bisous, Charlie. Vous êtes à l'hôtel, vous tournez actuellement, Charlie Dupont? Tout à fait. Quoi je ça suis à Angoulême. pour quel film on peut savoir un peu d'éléments? Un petit peu d'éléments, c'est un film qui est pour moi tourné par une jeune fille qui est un petit peu la Claude Sautet des temps modernes. C'est un film qui s'appelle L'Insecte et qui parle de malentendu à l'intérieur d'une famille. Et c'est toi qui joue l'insecte? C'est moi qui joue l'insecte, je fais le coléoptère. Ah, c'est bien ça. Vous le faites bien, dites donc. Merci Charlie Dupont d'être passé par Viva For Life, par le studio de Verre. Gros bisous Angoulême. Avec bonheur. Merci. Amusez-vous. Et merci pour ce jeu, c'est génial en fait. On va réfléchir à d'autres prénoms, parce que moi j'ai raté mon coup. Non, je vais me rattraper. Ça c'est à peine entendu. C'est ça. Il y a des personnes qui arrivent là du côté de la boîte aux lettres. Qui est là? Ouh là là, c'est coloré. Je vois des chapeaux rouges. Est-ce que ce sont des Papa Noël? Venez, venez nous rejoindre. Ta yo-yo, qu'est-ce qu'il y a? C'est Annie Cordy qui est là? Non. Ouh là là, ça c'est un... Ouf. C'est folklorique. Ouh là. Bonsoir, wow. Attendez, en costume en plus, ils sont magnifiques. Bonsoir. Bonsoir. Parlez bien là, dans le micro, comme ça tout le monde peut vous entendre, on peut vous entendre en radio et sur viaforlife.be. Pourquoi vous êtes habillé de telle sorte? Vous êtes magnifique. Dobry wieczór. Bonsoir. Bonsoir en polonais. Pourquoi vous êtes en costume traditionnel? Qu'est-ce que vous avez fait ce soir? Nous avons fait une soirée au profit de Viva For Life. Chouette. Et je suis ici accompagné de l'ensemble Yasna Voda. Mm-hmm. Qui œuvre pour les bonnes causes, wow. Dont la vôtre, voilà. Et vous les avez ici habillés en costume de noblesse, et moi je suis personnellement habillé en costume de Cracovie. Waouh! Des costumes magnifiques avec des très beaux tissus, et puis la jeune fille là, c'est fluorescent carrément. Qu'on pourrait avoir une danse de vous chanter, ou chanter comme ça on peut en profiter à la radio aussi, chanter bien dans le micro. Vous pouvez nous chanter un petit bout? Pas quelque chose, oui. Une danse, ils se concertent, ils se regardent, ils sont nombreux ici, place de la digue. Je vais faire appel à l'équipe. Ouais. C'est vrai. Ils se concertent et alors, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a un chèque dans la main et on va bientôt découvrir combien vous avez récolté pour Viva For Life. Combien? Wow, 1450 euros au profit de Viva For Life. Félicitations. Bravo. Bravo, et vous êtes vraiment magnifique. On peut applaudir bien fort, place de la digue. Bravo, 1450 euros, waouh. Vous réfléchissez à un petit quelque chose que vous pourriez nous faire aussi. On met un peu de musique et puis on revient juste après. On va faire le doigt maintenant, c'est ça? Non, après on fait les... Ah, c'est ça? Bah, je sais pas, moi, ça ressemble. On va tous danser ensemble. On fait des doigts. Je crois que c'est le moment qu'on fait des doigts. Place de la digue, on bouge, on bouge à la maison. Allez, on bouge, sort son au bureau, vous soyez, on y va. On sait pas où on l'a fait, mais on sort son doigt. Je suis Anne. Allez, les Carlos. Allez, tous les doigts dehors. Allez, hop là. Gauche, droite, gauche. Allez, hop. Je mets le doigt devant, je mets le doigt derrière. Chine, qu'est-ce qui se passe? On met trop d'ambiance ici, place de la Digue, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a plus de musique. Bah mince, on s'amusait bien, ça vous a plu? La danse d'Hélène, vous savez quoi? On va essayer de la relancer, cette fameuse danse d'Hélène. Attendez que je trouve dans la machine. Hélène, non c'est pas ça, je m'appelle, non ça n'a rien à voir. Allez, on essaye, vous êtes prêts? Je mets le doigt. On va commencer? On commence, on recommence plutôt. Allez, on s'amuse tous ensemble. Et puis les filles sont venues vous rejoindre, hein. Stéphane Bissot et Christelle Cornille sont là. Elles vont mettre de l'ambiance aussi. Elles vont jouer du doigt. Vous voyez ce que je veux dire? Oh. Salut tout le monde. Je suis Hélène. Approchez, approchez. Attention, écoutez-moi attentivement. Et vous vous amuserez avec la danse d'Hélène. 1, 2, 3, 4. Mais on n'entend rien. Je mets le doigt devant, je mets le doigt derrière, je mets le doigt devant, je fais le tout petit rond, je fais le boogie boogie, je fais le tout de moi-même, et je vais en avant, je mets la main devant, je mets la main derrière, je mets la main devant, je fais le tout petit rond, je fais le boogie boogie, je fais le tout de moi-même, et je vais en avant, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Et on fait des petits tours avec les genoux. Allez. Et puis on fait des petits tours. Allez Charleroi, des petits tours. Et puis là, là, là. On doit remettre les doigts. Oui c'est ça. Le principal c'est que ça danse, hein. Là. Wouh. Vas-y Charleroi. On a monsieur qui connaît super bien la danse ici depuis tout à l'heure. Déjà dans le cube, il était à fond. C'est super. Oui. Attention. Merci. On va recommencer. Allez, c'est Stéphane parti. Bissot. Allez, Christelle Cornille, on donne tout. C'est Viva for Life, évidemment. Ça continue. Y est, Sarah. Ça y est, Sarah. On a tout donné. Je pense que maintenant, ça va être place aux vrais artistes de la danse, c'est-à-dire notre groupe polonais qui s'appelle, tu nous l'as dit, hein, Madame la Reine. Jasna Woda. Jasna Woda. Merci. Pourquoi vous ne l'avez pas retenu? Je ne comprends pas. Et vous pas. Êtes chaud, Charleroi. C'est un bonheur. Hein, vous êtes là. Hein. Est-ce que vous avez envie de danser aussi? Une valse, ça vous dit? Parce qu'ils sont là, ils sont prêts sur la scène, ici, Place de la Digue, pour une valse. On a tout ce qu'il faut, on a la musique, et puis on va danser encore une fois tous ensemble. C'est parti pour la valse. On rentre. à tous. Une troupe polonaise qui est la place de la digue. Grâce à eux, 1 450 € en plus dans la cagnotte de Beer for Life. Merci, vous avez été magnifiques. Gros bisous. Moi, j'ai essayé de danser une valse avec Cubby, notre chat. Ce sont des personnes ici qui m'avaient suggéré. Je me suis pris un vent. Hein. Je me suis approchée avec ma grande robe et tout ça. Et puis, il est parti en courant. Merci pour ce bon moment. Et c'est à vous de partager aussi la musique que vous aimez. La musique a du cœur. C'est le principe de Viva for Life. VivaForLife.be. N'hésitez pas à mettre une petite dédicace. Et pourquoi pas, si vous avez envie de jouer avec nous, si vous êtes nocturne, si vous n'allez pas dormir de la nuit, participez à notre émission aussi, jouez au Blind Test avec Nicolas qui sera là. Donc n'hésitez pas, VivaForLife.be, vous mettez votre numéro de téléphone et comme ça on risque bien de vous rappeler. Robbie Williams sur Viva. Enjoy. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through where, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And down the waterfall, wherever it may take me, she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know bones. When love is dead, I'm loving angels instead. Robbie Williams avec ses anges, c'est Vincent, avance 30 € pour Viva for Life à tous les enfants qui sont nos petits anges, que chacun puisse avoir le bonheur et la joie autour de lui. Bravo pour votre opération, merci pour tous les bons moments et bon courage aussi. C'est vrai qu'on est presque à la moitié, il nous reste encore 91 h 15 min 24 s pour faire exploser le compteur. On compte sur vous, vivaforlife.be. Il y a quelqu'un à la boîte aux lettres, bonjour. Bonjour, avec des billets, ben ça nous intéresse ça, forcément. Bienvenue, vous venez d'où? De Charleroi. Charleroi, donc vous êtes de la région, Charleroi centre ou un peu... Roux, exactement. À Roux, et vous avez mis combien dans la boîte aux lettres? 5 €. 5 €, super, il y a de l'ambiance, hein, place de la digue ici. Super. Vous écoutez la musique, vous avez fait la farandole tout à l'heure avec Nicolas Boytars qui est là. On arrive seulement. Vous arrivez, ben donc restez là. On va passer un bon moment, soirée spéciale cinéma avec du beau monde autour de la table. Ils sont belges, ils ont du talent. Il y a évidemment Christelle Cornil, Stéphane Bissot, Jean-Luc Couchard et puis Nicolas Boytars, l'expert cinéma. On va passer encore un bon moment avec aussi, attention, pas mal de défis, des challenges aussi après le journal. Les filles, ça me fait peur. Ah, parce que c'est Nicolas filles, qui a dû faire une farandole sur la place de la Digue. Il y avait plus de 100 personnes à voir, évidemment, sur la page Facebook de Viva for Life. On marque une courte pause, vraiment quelques secondes, et puis les infos, et on revient juste après. Merci de nous écouter. Il est minuit. Laura Noitecamp avec vous, bonsoir à tous. 445 nouveaux wagons pour 1,3 milliard d'euros. La SNCB a signé l'achat avec Alstom Bombardier. A priori, c'est une bonne nouvelle pour le constructeur, mais pas pour les personnes à mobilité réduite. Les portes seraient trop hautes par rapport au quai. Si les personnes en chaise roulante peuvent bénéficier d'une assistance, elles doivent en faire la demande 24 heures à l'avance. Du côté de la SNCB, on met tout en œuvre pour réduire cette demande à 3 heures avant l'embarquement. Amélie Nothomb a fait son entrée à l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique. Celle que l'on surnomme la dame au chapeau a pris le fauteuil de Simon Leys, décédé en août 2014. L'importance de l'œuvre, son originalité et sa cohérence, son rayonnement international ont justifié ce choix, a indiqué Jacques de Decker, secrétaire perpétuel de l'Académie. Cette institution a été fondée en 1920 par Jules Destrée, alors ministre des Sciences et des Arts, et compte 40 membres. La Turquie a annoncé qu'elle poursuivra le retour de ses troupes d'Irak suite à l'appel téléphonique du président américain Barack Obama à son homologue turc Recep Erdogan. Barack Obama l'a invité à prendre une telle mesure afin d'apaiser les tensions entre les deux pays voisins. Le président américain a insisté sur la nécessité pour la Turquie de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Irak. La Turquie avait déployé en Irak il y a une dizaine de jours un contingent de 150 à 300 soldats et une vingtaine de véhicules blindés dans le nord du pays. Mais Bagdad y a vu une incursion illégale. On passe au sport à présent avec une soirée de gala plutôt réussie pour Kevin De Bruyne. Il vient d'être élu sportif de l'année 2015. C'est la boxeuse Delphine Persoon qui remporte le titre féminin. En football maintenant, Charleroi s'est incliné 2-1 face à Westerlo, dernier du classement. Les Carolos voient le top 6 s'éloigner. Moucron-Perouet a été battu 0-1 par Westland Beveren, un autre adversaire direct dans le bas du classement. Et puis OHL a fait 3-1 face à Malines. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Prochain rendez-vous à 1h. Belle nuit à notre écoute. Achetez les maracas Viva for Life Belfius et faites-vous entendre pour les enfants défavorisés. Belfius, nous nous engageons à 100% pour Viva for Life. Votre cola, avec ou sans patate? Sans patate. Parce que forcément, nous sommes dans une spéciale cinéma. De 22h à 2h avec Sarah Depadua. Soirée cinéma avec du beau monde autour de la table. Bienvenue si vous nous rejoignez. Il est minuit et deux minutes. On est déjà dimanche. Bon dimanche à tous. Il y a Stéphane Bissot qui est là, évidemment. Bon dimanche. Melting Pot Café, trois saisons sur la une. Elle est là avec nous ce soir. On a aussi une Stéphane, une Christelle Cornil qui est là avec nous avec un Magritte sur son étagère. Félicitations, qui va tourner dans Le Dernier Visiteur, s'il vous plaît. Et puis lui aussi, il va avoir un petit rôle dans Le Dernier Visiteur. C'est Jean-Luc Couchard qui est là avec nous, qu'on a vu notamment dans Dick Yonek, et puis Nicolas Beutartz est là évidemment pour cette soirée cinéma, et c'est pour ça qu'on s'est fait un petit peu beau ce soir. On se croit un petit peu nous aussi sur le tapis rouge, et ça c'est pour vous, c'est pour eux en fait, c'est pour les 80 000 enfants qui vivent chez nous dans la pauvreté. On se doit de se mobiliser, et donc on est là pour attirer l'attention, pour vous faire passer un bon moment. Et maintenant c'est à vous d'aller sur internet, d'aller sur vivaforlife.be, de choisir la musique que vous aimez, de la partager en échange d'un don évidemment au profit de l'opération. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et pourquoi pas votre numéro de téléphone. On risque bien de vous appeler ce soir. La musique est le centre de notre opération. La musique a du cœur. On va danser ici, place de la Digue. Et je suis sûre que chez vous aussi, avec Black M. Viva for Life. Plus les soucis de quoi devenir fou, oui, une vie de route sur savoir vers où. J'étais têtu, rien à foutre. Sur ma route, j'avais pas de bagages en soute. Et dans ma poche, pas un sou. Juste la famille entre nous. Sur ma route, y a eu un tas de bouchons. La vérité, j'ai souvent trébuché. Est-ce que tu sais que quand tu touches le fond, il y a peu de gens chez qui tu peux te réfugier. Tu peux compter que sur tes chers parents, parce que les amis, eux, disparaissent un par un. Oui, il m'arrive d'avoir le front au sol, parce que Dieu est grand, et on est seul, on meurt seul. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie. Une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis. De quoi devenir fou, oui. Une vie de route. Sur ma route. Fait des coups en douce, l'impression que mon cœur en souffre, mais je suis sous anesthésie. Sur mon chemin, j'ai croisé pas mal d'anciens, ils me parlaient du lendemain et que tout allait si vite. Ne me parle pas de nostalgie, parce que je t'avoue que mon cœur est trop fragile. Je suis comme un pirate naufragé. Oui, mon équipage est plus qu'endommagé. Je sèche mes larmes, je baisse les armes. Je veux même plus savoir pourquoi ils me testent les autres. S'il y a plus rien à prendre, je sais qu'il me reste une chose. Et ma route, elle est trop longue, pas le temps de faire une pause. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie. Une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis. De quoi devenir fou. Black M, c'est le choix de Mathias, Mathias à Moucron. Vous savez quoi? Il a 8 ans, alors du coup, il a versé 8 euros à l'opération. Excellent, il adore évidemment Black M et cette chanson Sur ma route, c'est ça aussi Vivacité. Ce sont toutes les générations qui participent, les jeunes et moins jeunes. Et d'ailleurs, rien qu'à vous voir ici, place de la Digue à Charleroi, on le voit, ce sont toutes les générations confondues. Les enfants sont nombreux aussi à casser leur tirelire, à mettre des sous ici dans la boîte aux lettres du studio de verre. Et justement, il est un peu plus grand. Bonjour, nous avons un jeune à la boîte aux lettres. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Lucas. Lucas, tu as quel âge, Lucas? 12 ans. 12 ans, waouh. Et qu'est-ce que tu fais? Place de la Digue à minuit, minuit 7. Il vient mettre des sous. Il vient mettre des sous, bah, c'est super ça. Combien tu mets dans la boîte aux lettres, Lucas? 5 euros. 5 euros, excellent. Tu peux les glisser dans la boîte aux lettres. Bravo, félicitations, Lucas. Et j'imagine que tu as passé une bonne soirée avec DJ Joss qui était aussi sur la place. Il a mis le feu. Alors là, je vous dis pas, c'était samedi soir. Vous étiez très nombreux à danser ici, place de la Digue. Vous n'étiez pas là ce soir, pas de souci, venez demain, venez après-demain, venez mardi soir. Il y a pas mal d'ambiance encore prévue avec pas mal de showcase. Zazie aussi sera là pour nous libérer, délivrer, mercredi soir, aux alentours de 18h30. Nous avons quelqu'un au téléphone, ça sonne, oui. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bernard Yerlès. Oh, quelle voix. Attendez, on l'a refait. Les filles, on ferme les yeux, on s'imagine. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour à vous. Ah, Bernard Yerlès. Merci d'être dans la place ce soir par téléphone, mais vous êtes là quand même. Merci d'être avec nous. Oui. Bernard Yerlès, oui, bonjour. Je ne pouvais pas être présent ce soir parce que je suis en tournage en France, mais voilà. Le cœur y est, la preuve. Je suis là par téléphone. Voilà, évidemment. Exactement. Il y a Nicolas Bottars qui est là aussi, c'est monsieur cinéma sur la première. Enfin, en tout cas pour cette nuit. Oui. Cette nuit, hein, soit. Bon, sur la première, allez, c'est Bernard quand même. Bernard Yerlès, on l'a vu quand même dans Toto le héros, dans Pardon Cupidon, Elle ne pense qu'à ça, Les apprentis de Pierre Salvadori, La vache et le président, aussi Laisse tes mains sur mes hanches. De Chantal Lobby. Oui, absolument. Ouais. Ça peut être, c'est aussi une très belle chanson d'Adamo, mais c'était aussi une comédie de. Et de Tout pour plaire, oui. Et Michou d'Aubert, enfin plein de films. Nos plus belles vacances de Philippe Lelouch, Le casse des casses, enfin bon, bref, on le voit partout. Il fait même des web-séries, vous avez joué dans Typique. Oui, absolument. Vous êtes dans tous les formats. Ben oui, il faut être partout. Je trouve qu'aujourd'hui, il faut surtout suivre les jeunes et ce qu'ils font et les nouveaux formats. C'est important. Ouais. Et Stéphane Bissot qui est avec nous aussi. Était dans Typique, oui. Typique. Et oui, moi j'adore, je suis tout de format aussi, on voit. Hein. Est-ce que c'est différent le web? Est-ce qu'on tourne différemment? Peut-être avec moins de moyens? C'est vraiment oui, différent payé, que la télé payé, ou mais cinéma. C'est tout aussi gay. Bernard, c'est vraiment très différent quand on tourne pour une série pour le web? Non, c'est pas si différent que ça. Il faut tourner de plus en plus vite. En tout cas, ça c'est sûr que aujourd'hui c'est la crise pour tout le monde et il faut s'adapter à cette nouvelle donne, etc. D'être de plus en plus rentable. On nous oblige d'être de plus en plus rentable. Alors, de plus en plus performant. De la qualité, oui. Mais il faut être de plus en plus performant. Voilà. Donc on nous oblige à ça. C'est comme ça. Alors, on oblige les acteurs à être rentables, mais on sait que les acteurs et les actrices sont généreux, généreuses. Ouais. En quoi il était important pour vous de participer à cette nuit du cinéma pour Viva for Life, Bernard Hirles, dites-nous tout. Bon, écoutez, c'est un peu la moindre des choses, je dirais, voilà, d'être présent pour ce genre d'événement, d'exprimer en tout cas une solidarité vis-à-vis voilà de cette enfance défavorisée. Malgré tout, moi j'ai toujours voilà envie de dire que voilà ces grands mouvements qui sont des mouvements évidemment populaires, c'est des gens qui sont généreux et qui aident, qu'on pense un petit peu peut-être ce que devraient faire les pouvoirs publics, voilà. Oui. Et je trouve que il faudrait, voilà, je pense qu'il faut aussi rappeler toujours que il y a des politiques aussi qui pourraient se faire plus exigeantes, plus fortes pour la solidarité de tous et de tout un chacun. Et voilà. Nous, à notre niveau, on peut se mettre un petit peu entre parenthèses et agir pour la bonne cause et être généreux. Absolument. C'est Noël, on fait des cadeaux à tout le monde et pourquoi ouais, ne pas penser à ces enfants chez nous qui en ont besoin. Bernard Hirles, vous êtes en plein tournage, on peut en savoir un petit peu plus? Vous êtes où exactement? Alors, je suis sur Nice pour l'instant, voilà, la Côte d'Azur, où je fais, voilà, pour la télévision, un 8 fois 52 minutes, un thriller qui sera sans doute une des séries de l'été prochain. Vous avez le premier rôle? J'ai le rôle du très méchant, donc j'ai le premier rôle, en tout cas masculin, sur une série qui est l'histoire d'une héroïne, d'une jeune femme c'est l'histoire d'une vengeance, et pour moi c'est intéressant parce que c'est un rôle un peu différent, du coup je fais un très très méchant, un méchant de la mafia niçoise. C'est parce que vous avez une tête de nounours finalement, Bernard, d'un bon gentil. C'est ce qu'on me dit, mais je veux justement montrer que je peux jouer plein de choses différentes. Merci Bernard Hirles d'être passé par Via for Life, il est tard et vous êtes là malgré tout avec un agenda hyper chargé. Merci, ça nous fait bien plaisir. Et oui, soirée cinéma avec tous les grands aussi qui se mobilisent pour notre cause. Merci d'être là. Et justement, soirée cinéma. À vous de deviner de quoi il s'agit. Alors. Attendez. You, Lewis and the News. Je sais. Alors. C'est de Power of Love, c'est Retrouver le futur. Évidemment, la trilogie culte, évidemment, proposée par Hugo à Quiévrin. 40 euros, yes! of Love de la trilogie Retour vers le futur. On en a aussi beaucoup parlé il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, avec la date, forcément. C'était quelle date encore, vous vous souvenez? C'était en octobre. En octobre, c'était le 25. Le 25 octobre. Ah, c'est le jour de mon anniversaire. C'est vrai? Oui. Ah bah dis donc. Tout ça, personne n'en entend parler. Hein. J'allais le dire, Stéphane Bissot, ça tombe mal, c'est râpé. Oui, c'est ça. Merci Christelle Cornil d'être passée dans le studio de Vert. Ça va, vous n'avez pas eu trop chaud? Non, on est bien là. Enfin, oui, bien installé. On est là que pour un petit peu de temps, nous, donc ça va. Nous aussi. 6 jours, 6 nuits. Courage, courage. Attendez, c'est si peu par rapport à toutes les associations qui sont sur le terrain. Nous, on s'enferme juste 6 jours, 6 nuits. C'est un court moment et on est là pour tout donner, évidemment, pour la cause. Merci. Passez une bonne soirée, une bonne nuit. Rentrez bien à la maison, soyez prudente. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a de prévu là dans les prochains jours, les prochains mois? Il y a un très bon repas de Noël que je vais préparer. Quoi ça? Des plein de petites choses, je pense. J'ai envie de faire un truc léger, relativement végétarien, pas trop lourd, avec que des bonnes petites choses fines et délicates achetées sur le marché. Enfin voilà, pour un prix pas trop élevé et pour des gens qui aiment bien manger de bonnes choses. Ok, on arrive. Voilà. Quand merci vous voulez, Christelle. Merci bonne si vous nous rejoignez. Bienvenue sur Vivacité en streaming. On est là 24 heures sur 24. Évidemment, c'est vivaforlife.be avec du beau monde encore. Stéphane Bissot qui est là et qui reste encore un petit peu. On a Jean-Luc Couchard de D-Connect notamment, mais vous avez fait d'autres choses évidemment, Jean-Luc. Ça va, vous passez une bonne soirée, Jean-Luc? Mais oui, très bien, très très bien. Je vois qu'il y a des gens, ils sont chouettes. Tout le monde est bien ici. C'est vrai. Mais oui, c'est un petit peu le monde des bisounours. Oui. Nicolas Beuytard, c'est là aussi. C'est Monsieur Cinéma de la Première, notamment avec une culture, alors une culture cinéma. Oui, une culture bio. Culture lui, il a vu tous les films dans lesquels on a joué. Et lui, on en parlera dans quelques minutes. On a des filles aussi à la boîte aux lettres. Salut les filles. Coucou, comment ça va? Ça va, ça va. Mais très bien, vous êtes combien? Dites-moi, attendez, j'arrive pas à vous compter. 5. Et à mon avis, vous avez passé une bonne soirée. Oui. Vous avez fait quoi? Vous avez mangé entre filles? Oui. Oui. Et vous mettez des sous dans la boîte aux lettres? Combien dans la boîte aux lettres? 20 euros. Yes. Ah ben ça c'est super, ça c'est vraiment un bel exemple, parce que aller manger au resto, etc., ça coûte des sous et vous avez encore 20 euros pour mettre dans la boîte aux lettres pour les enfants. Merci les filles, gros bisous, on vous embrasse. Merci. Ah, du monde encore. Mounir Aïtamou qui a joué notamment dans Les Barons, ça a été un succès colossal évidemment. Bienvenue, et ça fait des bisous, hein. Ça se bisoute hein, dans le monde du cinéma, ça fait mouin mouin mouin mouin, et ça se touche et ça se caresse dans le dos. Oui. Rien de tel que de l'affection, hein, surtout en hiver. Évidemment, évidemment. Mounir qui est avec nous, et Nabil Ben Yadir devait être là aussi. Nicolas, mais on a une petite anecdote. Nabil m'a contacté via Facebook. Pourquoi? Parce qu'il a posté sur mon mur une photo de sa voiture en panne. Car il est en panne et il passe une agréable soirée avec son dépanneur. C'est génial. Et donc voilà, il arrive. Nous sommes là jusqu'à 2h du matin. Nabil, si tu nous écoutes, tu es le bienvenu parce que nous sommes là jusqu'à 2h du matin, je me répète. Et c'est fou parce que de nos jours, quand on est en retard à un rendez-vous, on se sent obligé de poster ça sur Facebook. Genre, c'est vrai, tu sais, c'est vrai, je suis en panne avec ma voiture, j'ai un pneu crevé ou j'ai plus d'essence, etc. On nous croit plus. Mounir, merci d'être là. J'imagine que ça vous tenait à cœur d'être là parce que la cause chez nous est importante. 80 000 enfants chez nous qui sont dans la pauvreté, c'est beaucoup trop, évidemment. Tout à fait. Donc, investissez dans les jeunes. Si je peux me permettre. C'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre. Oui. Et les jeunes, justement, chez nous, on parle des 0-6 ans. Ils sont dans la pauvreté. Ils sont 80 000. Et j'imagine que ça vous touche particulièrement, Mounir. Bah, déjà, évidemment. Ça me choque. Ouais. Parce que 80 000... C'est 1 sur 4. En Belgique francophone. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a foutu pendant 30 ans? Ouais. Là, c'est la question que je me pose. Mais bon... On y répondra pendant l'émission. Mounir, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui sont là, qui hésitent peut-être à franchir le pas, à donner 5, 10, 15, 20 euros à l'opération? Allez, on les encourage ce soir. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Écoutez, 5 euros, c'est rien du tout. Hein. C'est même pas une place de métro. De allez-y, cinéma. Investissez, lâchez l'argent, parce que c'est bon, quoi. Hein. On en a de l'argent quand même. Trop, c'est trop. 80 000, c'est trop. Il faut faire quelque chose. Il faut faire se quelque mobiliser. Chose. Franchement. Évidemment. Ouais, je fais une annonce. Je donne 50 euros là. Allez, 50 euros. On vide les poches. C'est pour moi. Vous les avez là tout de suite ou pas? Là, non. J'ai 50 cents. Vous savez quoi? Moi, je donne 5 millions. Mais j'ai pas de poche. C'était une annonce. Un bel effet d'annonce. Non, c'était une annonce, mais je tiens à mes annonces et je vais aller jusqu'au bout de mon truc. 8 x 0, voilà. 37, 37. Voilà. 8 x 0, 37, 37. Ou alors vous envoyez un SMS avec votre téléphone au 4001. C'est entièrement gratuit. Vous démarrez par votre numéro de compte. C'est entièrement sécurisé aussi. Un espace et le montant, 50 euros. Voilà. Voilà. Et comme ça, c'est fait. Pour moi, ça sera fait dès demain matin. Jean-Luc, vous connaissez bien, vous, Mounir ? Mais oui, Mounir, on a tourné ensemble dans Les Barons. Bah oui, ouais. Bah oui, bah alors, comment il était, hein ? Une petite anecdote. Bah il est très bien. C'est un très très très bon acteur et il est vachement bien dans Les Barons d'ailleurs. Il fait un des trois. On replante le décor pour ceux qui n'auraient peut-être pas vu Les Barons. Ça parle de quoi, Les Barons ? On est à Bruxelles, hein, forcément. Non, bah, ouais, on a non, Bruxelles. Parce que c'est un film avant non, tout bruxellois, c'est ce que je veux dire. Et c'est un film précurseur parce qu'on est à Molenbeek. Donc on avait déjà prévu le truc. donc ouais, c'est des Bruxellois qui cherchent un rêve. Et donc voilà, ils ont une philosophie, la philosophie des pas, hein, que voilà, il faut faire le moins de pas possible parce qu'il faut les économiser. Et donc on essaie de chercher des solutions. Bon, on en a trouvé quelques-unes. Oui. Voilà. Ouais. Un carton colossal. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'entrées, Nicolas? En tout cas, beaucoup. En fait, il est devenu. 150 000, non, à la sortie. 200, je ne sais plus. C'était beaucoup. Je crois même 152 327. Waouh. Ah, mais donc, il sait. Il faut faire peut-être fois 20 pour la France, c'est ça, en fait. Oui, il est devenu, en fait, un vrai film culte avec des répliques cultes. Et ça, c'est intéressant. Parce que genre, les répliques cultes, on peut en avoir une ou deux, là. Et ça, c'est un signe de la fin du monde. Mounir sur vivacité. Jean-Luc Couchard, quel était votre rôle, vous, dans le film? Moi, je faisais Osgur, je faisais le garagiste, en fait, quand il faisait des faux accidents. Bah, moi, il y a une arnaque à la priorité. Je détruisais encore plus la voiture pour pouvoir faire monter les chiffres d'assurance. Voilà. Exactement. Et je faisais Osgur, Gugur, mauvais Osgur. Sans figure. Ça parlait bien. Vous restez là encore un petit peu. On est jusqu'à 2h dans une soirée cinéma, évidemment, avec de nombreux talents belges. Et vous êtes là bien pour nous le montrer. On met un petit Queen, ça vous dit? Vous aimez Queen? Oh, ici, oui. Autour de la table. Allez, c'est parti. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. Just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Anywhere the wind blows doesn't really matter to me. To me. Killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, I'm not back again this time tomorrow. photo of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We will not let you go. Let me go! We will not let you go. Let me go! No. Oh, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me. Et ça, c'est la magie de Viva for Life aussi. 5 minutes 28 de Queen Bohemian Rhapsody proposé par Thomas de Trot. 100 euros dans la cagnotte de Viva for Life. C'est juste énorme. Merci Thomas. Il a laissé une petite dédicace. Il est passé via le site vivaforlife.be. Merci Eric de vous être arrêté pour m'aider aujourd'hui à la station essence. Merci de votre générosité et solidarité. Un beau message, donc une belle dédicace. Queen, c'est ce que voulait entendre les scouts aussi de Casto qui sont passés mettre des sous. Vous êtes là? Ah, mais ils sont là dans la place, place de la Digue à Charleroi. Faites du bruit les scouts. Les scouts de Casto, ils ont mis des sous. Ils ont organisé un événement, un marché Noël. Ils ont récolté plus de 100 euros, 120 euros, 150 euros, plus, encore plus. Ils sont venus déposer les sous. Et puisqu'on parle de scouts, si vous nous rejoignez sur la Une Télé, bienvenue sur viva4life.be ou sur Vivacité. Soirée, feu de camp, ce sera lundi soir avec évidemment Chansonnier, Hugo Frey, peut-être Jean-Jacques Goldman, etc. Bref, on va encore passer une excellente soirée. C'est le moment, c'est l'instant. On est avec d'un côté Stéphane Bissot. On a Mounir Aït Amou d'un côté aussi. Ouais. Du même côté. De l'autre, nous avons Jean-Luc Couchard. Ouais. Nicolas Beutars. Et moi-même, et vous à la maison, et vous, place de la Digue. Alors, on va jouer un blind test. On va faire deux équipes. On va faire filles contre garçons. On est les filles, d'accord. Non, on va faire. Non, mais Mounir, tu vas jouer avec les garçons si tu veux bien. Aucun problème. Bah oui. Si on ne trouve pas, vous pouvez venir courir à la boîte aux lettres et nous souffler la réponse, choisir une équipe. Là, d'ailleurs. D'accord. On fait les filles, ouais, on fait. Et vous, n'hésitez pas à jouer à la maison. Mais Christelle est là, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle nous a dit au revoir, Christelle. Non, regarde. Ah, des petits sous, toujours des petits sous. Bravo. Parce que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Ah. Oh, mais c'est bien dit. Waouh. Merci Christelle. Bonne nuit les amis. Christelle Cornil. Merci. Gros bisous. Bonne continuation. Merci d'être passé. Et vous aussi, vous pouvez jouer avec nous. Hein, ces soirées cinéma jusqu'à 2h du matin. Viva4life.be. Vous mettez votre numéro de téléphone. Je veux jouer en échange d'un don, évidemment, et d'une chanson. Alors, Nicolas Beutars, est-ce que vous êtes prêt? Vous êtes prêt? Je suis né prêt. À être arbitre aussi. Parce qu'on rappelle, pour ceux qui nous rejoignent sur la Une Télé, on a fait une première manche tout à l'heure. Ne parlez pas, attendez, j'explique les choses. Ne soyez pas gênés. On a fait une première manche tout à l'heure et Nicolas était l'arbitre et il s'est un peu planté dans les points. Et du coup, il a eu un gage. Nous, on a laissé gagner les garçons. Non. Il y a eu un problème de comptage et du coup, oui. Nicolas a eu un gage. Il a dû aller place de la Digue ici faire une énorme farandole avec plus de 100 personnes. Il y avait du monde encore, mais il y a du monde encore là ce soir. Farandole à revoir sur la page Facebook de Viva for Life. Bon, Nicolas, Alors, on deuxième est prêt pour la deuxième test. Manche. Alors, qu'on se mette d'accord pour les équipes. Voilà, les filles. Mounir. On fait les filles. Moi et Mounir. Non, oui. non, nous on fait les filles. Mettez-vous d'accord pour les équipes. Ah, je pensais que tu faisais. Non, que... Bon, d'accord, je suis nulle, il n'y a personne qui veut jouer avec moi, mais quand même. Si, moi, alors, les filles et les garçons. Et Jean-Luc, les faux garçons. Stéphane, tu veux bien jouer avec moi quand même? Les filles contre les garçons. Allez, c'est tranché. Et alors, Stéphane et Sarah, ouais. C'est un blind test, donc je vais vous donner des génériques. D'accord. Film, et vous allez devoir me donner le titre du film. C'est assez facile. On commence avec du classique. C'est d'abord nous et puis c'est eux ou c'est tout le monde en même temps? Non, c'est une question de rapidité, évidemment. Attention, pour venir sur le coup. Attention, premier extrait, c'est maintenant. Elle tape comme... Alors, ils nous mettent des films des années 70. Non. Les années 80, Mounir, quand même. Mais Mounir, on râle pas, d'accord? Effectivement, j'aime beaucoup Stéphane. On est qu'au premier point, ça promet. Il n'y a pas de buzzer. Non, j'ai fait comme Mounir, c'est lui qui m'a montré. Ne tape pas sur la table, tu vas tout casser. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et tu vas réveiller tout le monde là-haut. Deuxième extrait. Encore plus simple. Retour vers le futur. Une trilogie. Bien joué. Oui, on vient de passer le morceau aussi. On a juste écouté le disque il y a 5 minutes. Ça fait 2-0 les gars. Moi, je veux pas vous mettre la pression, mais. C'est le temps de réagir. Pourtant, là, ça va être plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. Billionnaire, là. Slamdog Millionnaire, c'est moi qui l'ai dit. Allez. Mounir, d'accord, je laisse le point. Parce que je suis belle joueuse. Stéphane, oui, c'est gentil. Non, c'est j'ai pleuré dans Slumdog Millionnaire. C'était Slumdog Millionnaire, c'était Alara Karam. C'est combien, Nicolas? C'est 1-2. Ah, ça va, ça me rassure. Il sait compter. 1-2-3. Je fais attention parce que je vais me retrouver une fois de plus dans la file à faire une énorme. Et il y a encore du monde. Et des bisous. Et je connais du monde dans cette foule. Quand vous connaissez, vous faites du lipping comme ça. Chiche, Nicolas, si vous vous plantez, on fait big bisous et vous donnez un bisou à chacun ici place de la Die. D'accord? Je vous mets la pression, ça va? Ouais, pas de plantage. Si vous aimez les grands barbus un peu ténébreux, le portier a l'air content. Quatrième extrait, il est assez simple. Titanic. Stéphane, viens là, on fait. Vous êtes forte. Oui. Bon, Mounir, Jean-Luc, il y a. Moi, la musique, elle arrive 10 secondes après vous. Hein. C'est ça. Vous n'allez pas au cinéma ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? On a tous les mêmes casques. Hein, allez, donc... Cinquième extrait. Allez, non, ma... Rocky 4. Mais en fait, c'est les films de filles et les films de mecs, en fait. C'est ça que j'ai Rocky 4. Alors... Je suis obligé d'accepter. Rocky 3, Rocky 2, Rocky 1, Rocky 5. Alors, ça m'ennuie parce qu'on a une bonne première partie de titre, mais on n'a pas la deuxième. Rocky 3 alors, hein. L'œil du tigre. On l'accorde. C'est avec les Russes, là, quand ils. Ah ouais, quand ils. Non, c'est le truc, c'est le 4, ça, c'est le 4. Il y a eu un. Oui, alors, en fait, Sarah avait dit Rocky 3, on dit Rocky. Ouais, on. Ouais, c'est Rocky. Non, quoi. C'est Rocky. Mounir, tu vas vraiment mettre 50€ pour Viens for Life? Ah, ça c'est clair et net. Alors je te laisse le point. C'est Rocky 3. Bah, ça va. C'est Rocky 3. Nico, j'ai laissé le point à Mounir. Oui, tu sais, hein, monsieur, madame Lélé ont un fils. Non. Ben Rocky Lélé. Alors c'est de nouveau, oserais-je dire. Effectivement, il y a des films pour filles, il y a des films pour gars. Oserais-je dire qu'ici c'est un film pour filles. On écoute. Ah oui. Flashdance, non, c'est non. Allez les filles, place de la Didier, des nous. C'est quoi? C'est Blondie qui chante. C'est Call Me. C'est quel film? Richard Gere. Quelqu'un vient. Call Me. Non, c'est pas Pretty Woman. Non. Quelqu'un, il y a quelqu'un. C'est quoi? Non, c'est pour de l'argent. Tant mieux, c'est bien aussi. On est là pour ça. Là, qui le dit là? Superman. Mais non, pas Superman. C'est lui qui l'a dit. Richard Gere, il a pas joué dans Superman quand même. C'est quel film ça? Je le lis sur American les... American Gigolo. Elles ont triché, elles ont regardé là. Si, moi j'ai fait comme toi. Elles ont triché. C'est l'enfant au bonnet là. C'est-à-dire que les scouts de Casto étaient avec Jean-Luc. Et moi, on tenait la bonne réponse. Alors... ici. Le point est au garçon. Oh non, merci. Si, parce que t'as dit American Latino. Voilà. Je dis American Gigolo, je pense pas. Stéphane rêve de Latino. Dans les oreilles. Ça va, ouais. Ici. J'entends de ma chaise. Oserais-je dire que tout va se jouer parce que nous sommes à 3-3. C'était American Gigolo, je l'ai dit. Soit. Non, c'est moi qui l'ai dit, c'est pas moi. Ça s'est entendu. On a tout entendu, oui. Est-ce que c'est clair? Est-ce que l'on va se jouer sur ce dernier titre? Allez. On va tout jouer sur. On est sur une égalité. 3-3. Les garçons contre les filles. Mounir, Jean-Luc contre Stéphane et Sarah. Putain, c'est chaud, putain. Concentrez-vous. Pas de gros mots. Pas de gros mots, Stéphane, s'il te plaît, pas de gros mots. C'est vrai, c'est pour les enfants. Concentrez-vous. Alors, si vous êtes bien concentrés, j'ai déjà donné la réponse. Je pensais que t'allais dire j'ai deux nains. Oui, aussi à la maison. Mais où sont-ils ? On attend les 5 autres. Ok. J'ai donné la réponse quand vous êtes entrés dans ce cube. On écoute le 7e extrait. Ah merde, les Goonies. Non, c'était pas ça. L'Odyssée de l'espace. Star Wars. C'est pas ça. Là, vous imaginez des hélicoptères qui débarquent dans la vallée. Apocalypse Now. Ouais, Apocalypse Now. Apocalypse Now. Oh non. Yes. Oh. On a gagné. On a gagné. Les mecs, mollo, parce que je vous ai quand même donné 2 points. Hein, donc on se calme ici, d'accord. Est-ce que... Non, jamais. Oserais-je me venger? Oui, moi j'ai dit, Stéphane, on n'a pas dit notre dernier mot. Non, non, j'ai jamais dit mon dernier mot, hein, ça c'est sûr. Ouais, vas-y, Jean-Pierre. Jean-Pierre, vas-y. T'as encore des extraits dans la boîte ou pas? J'en ai plein, moi j'en ai encore 3. Attendez. Jean-Pierre Foucault, j'ai pas dit mon dernier mot. Attendez, ceci n'est pas terminé. Bon, ça c'est vraiment compliqué. Je vous le dis, c'est vraiment compliqué. Celui-ci, extrait. Là. Non, Arizona Dream. Évidemment. Parfait, effectivement. Yeah. Le poids pour les filles. Iggy Pop. Ouais, Iggy Pop. Et le poisson. On y revient, on est dans l'aquarium. Bien Stéphane. Nous sommes à 4-4. Oula. Attendez, hey, je peux faire peur. Nous sommes à 4-4. Neuvième extrait. Neuvième extrait, j'aime beaucoup. Excuse-moi. J'aime beaucoup ce film. J'aime beaucoup ce groupe. J'aime beaucoup l'actrice principale de ce film. C'est moi ? Non, c'est une blonde. C'est une blonde. Je l'ai été hein, avant. C'est vrai ? Oui, mais bon, il y a longtemps. C'est une blonde que Jean-Luc a bien connue. On écoute l'extrait de film. Allez, merde. Tu sais pas. Si. Marion Cotillard, Mélanie Laurent. C'est Mélanie Laurent. Et c'est... Donne pas trop d'indices, réfléchis. Donc, là, c'est son frère, merde. Elle a tourné avec après des connexes. Merde, c'est quoi encore? Je vous rappelle, demain, merde, il faut aller voir demain que Mélanie Laurent sort maintenant en janvier avec Cyril, je sais pas quoi. Il faut aller voir ce film demain sur des manières alternatives de. C'est un documentaire sur. Sur toutes les manières alternatives qu'on a de consommation, de vivre, une autre manière de vivre en société. Il faut aller voir ce film demain. Voilà, Mélanie Laurent, moi j'ai envie de dire ça plutôt que le blind test. C'est bien aussi, moi je donnerai le point parce que moi je donne tous les points à Mélanie Laurent. Ça a été demandé l'avis du public. Oui, mais c'est pas sûr, ça hésite. On me dit Pulp Fiction, mais je suis pas sûr. Pulp Fiction, Mélanie Laurent, Pulp Fiction. On me fait des signes à travers la vitre. Mais ici, on regarde les films américains et les films belges. C'est quoi, Nicolas, la réponse alors? Bon, alors personne n'a trouvé. C'est Je vais bien, ne t'en fais pas. Laurent Cadmerade. Je l'ai pas vu. Qui sont les grands vainqueurs alors? Mais pour le moment, moi je suis toujours à 4-4, donc on va vraiment se départager sur le dernier titre. Mounir, tu peux jouer, hein. Tu peux participer. J'ai très fort sur Rocky. Aider Jean-Luc par exemple. Parce qu'il est un peu seul. Non, non, c'était bien de débrouiller. Jean-Luc, il a qu'un titre en bouche. Merde. On peut le dire, il est passé minuit. Moi, ça ne casse pas le plateau. Dernier titre, et attention. Moi, c'est un film qui m'a marqué quand j'étais petit. Très beau film, très belle comédie musicale, mais j'en ai trop dit, on écoute. Enchaîne. Fame. Non, R, évidemment. C'est R. On a gagné. Les filles ont gagné. Bravo, les filles. Let the sunshine. Je trouve ça petit parce que... Alors les garçons, toujours les femmes qui vont gagner. Exactement. Les garçons, et là, évidemment, Jean-Luc Couchard s'adresse à la foule de la place de la digue, mais... Non, il y a des gens qui réagissent. Les garçons, Mounir, ouais. Jean-Luc, ceci est une défaite. On a un gage. Surtout toi, Mounir. J'attends. Tu vas faire deux fois plus que Jean-Luc. Vous sortez place de la digue, d'accord? Et on met Carlos avec Big Bisou. On en avait parlé, attendez. Vous êtes contents, place de la digue? Ouais, Jean-Luc Couchard et Mounir, Aïd, Amou, et là, ils vont vous faire des gros bisous. Allez, je veux bien sortir avec. C'est vrai, Nicolas? Ouais, on participe. Vous savez quoi? On va préparer tout ça et on se retrouve. Oh, il y a quelqu'un à la boîte aux lettres. Qui est là? Bonjour, bonsoir. Bonsoir. C'est l'équipe de Cap 48 qui vient vous soutenir et faire un don et montrer qu'on est là, qu'on vous aide, qu'on vous aime et qu'on vous souhaite bon courage. Oh, c'est trop gentil. Cap 48, donc ce sont des membres de notre équipe, évidemment. Oh oui, vous nous aimez, c'est trop mignon. C'est merci, mais c'est ça aussi, Va for Life. C'est une aventure magique. 130 personnes derrière nous trois sont là à bosser non-stop avec aussi des horaires pas évidents. Et donc, franchement, beaucoup d'émotions quand ils nous disent qu'ils nous aiment. On le sent. Merci, merci à vous. Merci pour votre job avec des sous dans la cagnotte, évidemment, de Viva for Life. A-t-on le big bisou de Carlos? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à sortir? Vous savez quoi? On va vous laisser le temps de sortir. Nous, on va s'écouter un petit Helmut Fritz. Ça m'énerve. Et ça va danser chez vous sur la une en télé, sur vivaforlife.be et sur Vivacité, évidemment. Ça m'énerve. J'entre au Coast boire un verre, mais la serveuse me pompe l'air. J'ai pas la réservation, je ressors et j'ai l'air d'un con. Ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. J'ai un cadeau à faire de chez Zadig et Voltaire. Le pull où c'est marqué rock, mais y'a la rupture de stock. Devant le club VIP, y'a plein de Lamborghini. Moi j'arrive sur mon Vespa, on me dit tu rentres pas. Ça m'énerve. J'entre chez Weston, une blonde asse au téléphone me dit je peux vous aider? Non, je vous ai pas sonné, elle m'énerve. Mon Dieu, elle m'énerve. J'ai perdu mon ticket pour le vestiaire. Je trouve pas de taxi, ah, c'est la guerre. Ça m'énerve, Helmut Fritz, évidemment, Nicolas, 10 euros, il est à hâte, 10 euros dans la cagnotte de Viva for Life. On est prêt. Est-ce que vous êtes prêts du côté de la place de la digue à faire des big bisous, des gros bisous? Moi, j'ai déjà fait, mes avec bisous. Ah ouais. Non, on veut les voir, on veut entendre. Là, on est en duplex, en direct de la on t'entend bien, Sarah, on t'entend, on est là. Oui, vous êtes là, est-ce que vous entendez Carlos aussi? On va l'entendre. Le gage, c'est de faire des bisous à tout le monde ici sur la place et de danser chez vous à la maison, évidemment. Si vous avez encore l'énergie, merci de nous suivre sur la Lune et sur l'Université. Bisous. Big bisous. Big bisous. Big bisous. Mon grand-père, c'est nos grands-mères. C'est tellement de manières. Ils mettaient parfois jusqu'à 100 ans pour s'embrasser. C'est un souvenir du joli temps passé. Passé. Qui veut des bisous? Un bisou. Style ancien, noble et tout. Attention, sur la main. Embrassez-vous. Bisous. Stop. Bisous. prennent de plus près. Sous la joue. Attention, sous la joue. Embrassez-vous. Les parents de nos parents étaient quelquefois marrants. Ils pensaient que les bébés, ça vient en s'embrassant. Bisous, bisous. C'est un souvenir du joli temps d'avant. Bisous. Et maintenant. Hardy, le bibi, dans le cou. Attention, dans le cou. Embrassez-vous. Enchaîné sur le nez. Ah, pas dessous. Attention, sur le nez. Embrassez-vous. On est à Costa de bisous là, on y est presque. On est oh. Attention sur la bouche. Embrassez-vous. Mmh. Ah, tout se passe super bien ici à la place de la digue. Encore. Une vraie communion entre Carole Régien et c'est génial. Bravo. On essaie de trouver d'autres bisous. J'essaie de voir un peu du côté ouest. Du côté nord aussi. Bravo, bravo Mounir Aïdamou, bravo Jean-Luc Couchard, gros bisous, bravo, on s'est fait plein de bisous ici, Place de la Digue. Et vous peut-être aussi à la maison, qui sait, venez nous rejoindre ici. Il y a Nicolas Beutart aussi quelque part dans la foule. Ne les déshabillez pas. Ne les déshabillez pas non plus quand même. Revenez ici en studio, les garçons. Il y a Stéphane aussi, Stéphane Bissot qui est là. Ah d'accord, qui a fait sans doute des bisous aussi. Ah Carlos, merci. On vient de mettre 10 euros dans la boîte aux lettres. Merci, c'est trop sympa. Parce que l'objectif c'est ça évidemment, faire la fête. Mais venez, venez, amenez vos sous-sous. On est là pour ça aussi. Après Carlos, voilà Coldplay, Viva la Vida. I hear Jerusalem. Viva la vida, Simone à Bruxelles, à Outer Game exactement. Elle a mis 20 euros dans la cagnotte. Elle a partagé la musique qu'elle aime, 20 euros. Elle nous a laissé un petit message aussi. Vous êtes super et je suis une fan de Sébastien. Sébastien, il fait dodo, enfin j'espère, parce qu'il y a pas mal d'ambiance ici, Place de la Digue. Il prendra le relais à partir de 6h du matin. Demain sur la Une aussi. Les garçons reviennent en studio, dans le studio de Vert. Ça va les garçons? Mounir, Jean-Luc, alors épuisé, tant de bisous. J'ai reçu un suisson là. Juste là. Alors, moi, je veux pas dire, mais il y en a un qui a fait beaucoup de photos et l'autre qui a embrassé tout le monde. Et moi, j'arrivais pas à faire des bisous ou faire des photos. Je l'avais oublié. Combien de bisous, plus ou moins, comme ça, nos auditeurs peuvent avoir une idée. Une quarantaine quand même. Ah, quand même. Et je regarde les barbes et tout ça pour parce que parfois ça fait mal évidemment quand on a un petit peu de barbe. Mounir, il a des traces rouges à lèvres sur les joues. Moi, ça a été c'était un fiasco quoi. Un bain de bisous comme j'en ai pas eu depuis. C'est beau l'amour, on en a besoin. Il faut donner de l'amour. De l'amour, de la générosité, de l'émotion. C'est Viva for Life évidemment. On est en pleine soirée cinéma. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la Une ou sur Vivacité ou sur vivaforlife.be. Et la belle. Attendez, j'allais parler d'une belle actrice, mais d'abord la boîte aux lettres, d'accord. Bonjour, qui est là, la boîte aux lettres? Bonjour, c'est Jérôme. Salut Jérôme, comment ça va? Bah bien et vous? Mais oui, très bien. Tu mets des sous dans la boîte aux lettres, bah, c'est ça? Oui, je pensais encore avoir 10 euros, mais j'ai plus que 5 euros. Ah bah attends, c'est pas mal du tout. Ça va Jérôme? Qu'est-ce qu'il y a de prévu? Tu vas encore danser avec nous ici, Place de la Digue? Bien sûr, évidemment. Ok, t'es pas pressé, c'est samedi soir. Bah, je viens de Bruxelles, j'ai entendu qu'il y avait Jean-Luc qui était là, comme c'est l'un de mes acteurs préférés, bah, je suis venu directement. Ah, ça, c'est beau. Il a reçu son bisou, Jean-Luc? Bisou et photo, vous avez les deux. Excellent, c'est génial. Salut Jérôme, bisous, bisous, courage. Jérôme, bisous. Merci à vous. Je vous parlais donc d'une très très belle actrice. On joue un jeu. Elle est brune, elle est belge, elle a beaucoup de talent. Elle a démarré très tôt. Stéphane. Avec... Non. Marie Gillin, pardon. Ouais, Marie Gillin, regardez ça. Ou écoutez. Bonjour, c'est Marie Gillin. N'oubliez pas de faire un don sur le site vivaforlife.be. N'hésitez pas donc à faire un don sur vivaforlife.be. C'était court, c'était bien. Ouais, c'était le message le plus court de la Terre. Attendez, c'est efficace. Vous savez quoi, on a manqué un petit bout. On va le réécouter. Allez, c'est parti. Marie Gillin, c'est à toi. Bonjour, c'est Marie Gillin. N'oubliez pas de faire un don sur le site vivaforlife.be. vivaforlife.be, on voilà. Est là évidemment et Marie nous encourage à faire un don. Merci Marie Gillin, vous l'aimez évidemment, c'est un peu notre Marie à nous. Quel film préféré pour Marie Gillin? Qu'est-ce que vous préférez comme film? Celui qui va venir, Mirage d'amour, moi j'ai envie de voir. C'est vrai, ça va parler de quoi? Oh bah, on sait déjà. Ça se passe au Chili, entre une fanfare burlesque et puis un couple avec Marie qui joue une belle ingénue. Oui. Moi, je me réjouis de voir. Vous avez vu sa pièce de théâtre sur les planches? Oui, moi j'y vais en janvier. Non. Oui. Ah, je vais la voir en janvier. Elle est formidable. La Vénus et la Vénus à la fourrure, oui. Avec Monsieur Besançon, Nicolas Besançon, c'est pas ça? Si. C'est merveilleux. Marie Gillin, donc, bientôt au cinéma aussi, évidemment. Et plein de coucou ici, Place de la Digue. Vous êtes vraiment nombreux à nous suivre. Et j'espère que chez vous aussi, sur la Une Télé, sur Vivacité, vous êtes là au rendez-vous. N'hésitez plus. Allez sur le site vivaforlife.be. Vivaforlife.be. Vous partagez la musique que vous aimez. C'est ce qu'a fait Eddy à Colfontaine. 50 euros. Yes! Pour Via For Life en échange de ça, Dani Minogue. When I'm walking down the street, I call your name inside my head, I go insane. Don't you know that it's really making me crazy? There were days when I went completely blind, no time to think, and I lost time. Won't believe what's happened to me lately. Every day it's the same day, different faces, no names, places I've never been before. And every day it's the same thing. Different faces, no names, faces I've never been before. Breaking free, these thoughts return to trouble me. Hanging on to love has left me empty. You're a sinner, but you told me you're a saint. Too fast, I tripped and lost my way. Can't believe what's happened to me lately. 'Cause every day. day it's same day. Different faces, no names, faces I've never been before. And every day it's same thing. Different faces, no names, faces I've never been before. Et c'est le titre de sa chanson, c'est Dani Minogue, 50 euros pour Eddie à Coachfontaine. Merci pour votre générosité. Nous avons une belle dame à la boîte aux lettres. Bonjour belle dame. Bonjour. Bonjour, vous appelez comment? Joël. Bonjour Joël, qu'est-ce que vous faites à cette heure-ci, à presque une heure du matin ici, presque au centre de Charleroi? Une petite balade pour vous dire bonjour, vous encourager surtout parce que vous avez le moral... La pêche, et j'admire ça. Oh, c'est très gentil, c'est normal qu'on l'ait parce qu'on est soutenu par vous, vous tous qui venez ici, place de la Digue à Charleroi. Les Carolos sont super, mais vous aussi, à Liège, à Namur, à Mons, on sent votre soutien sur les réseaux sociaux et via le call center aussi, donc c'est grâce à ça. Et ça nous donne la pêche, évidemment, avec un seul objectif, faire exploser le compteur. Joël, vous allez glisser aussi quelque chose dans la boîte aux lettres. Une petite enveloppe pour les animateurs, oui. Et une petite participation pour les enfants. Merci Joël. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans l'enveloppe? Des mots doux? Oui, des mots doux pour les animateurs. Hein. Ah, les garçons, d'accord, ben voilà, non, ça c'est non, fait. Non, les filles aussi. Ah, d'accord. Hein. Comme vous insistiez, je me dis, pour les animateurs, ça. Pour les garçons. Animateurs, animatrices. Merci Joël. Merci bon pour courage. Merci à vous. Bonne soirée, gros bisous, on vous embrasse. Cette soirée cinéma continue évidemment sur Vivacité et sur la une, sur vivaforlife.be avec tous nos invités, la bonne humeur et des jeux aussi. Viva for Life. Avec nos partenaires CCML Show, soutien Viva for Life, pour qu'aucun enfant ne souffre du froid. Avec le soutien de la Loterie Nationale. Merci de nous écouter, il est 1h. Laura Noitecamp avec vous, bonsoir à tous. La SNCB a signé un gros contrat avec Alstom Bombardier, 1,3 milliard d'euros pour 445 nouveaux wagons double étage. Un achat qui passe mal du côté des associations d'aide aux personnes à mobilité réduite. Et pour cause, les portes des wagons seraient trop hautes par rapport au quai. Et si une assistance est prévue pour aider à embarquer, une demande doit être faite 24 heures à l'avance. La SNCB a assuré vouloir réduire ses délais à 3 heures. Les gardiens de prison étaient en grève depuis jeudi soir, une grève qui a pris fin ce matin pour les affiliés de la CSC. Du côté de la SGCB, le mouvement se poursuit. Le syndicat rencontrera lundi le ministre de la Justice, Koen Gaens. Une réunion très importante. En cas d'échec, la CGSP prévoit de nouvelles grèves entre Noël et Nouvel An et début janvier. Les gardiens de prison réclament entre autres du renfort et un réexamen des mesures d'économie. Avec plus de 98% de oui, Paul Kagame a gagné le droit de se représenter au présidentiel au Rwanda. Il pourrait ainsi rester président jusqu'en 2034. Ce soir, la Maison-Blanche a exhorté le président rwandais à respecter les limites existantes concernant le nombre des mandats présidentiels. Après cette acceptation massive par référendum d'une modification de la Constitution, un référendum qui n'a pas donné suffisamment de temps et d'opportunités pour un débat politique sur la valeur des dispositions proposées, a ajouté la Maison-Blanche. On passe au sport à présent avec la soirée de remise des prix du sportif de l'année. Côté homme, si Thibaut Courtois l'avait emporté l'année dernière, c'est Kevin De Bruyne qui remporte le prix prestigieux. Chez les dames, c'est la boxeuse Delphine Persson qui est élue sportive de l'année. Elle a d'ailleurs boycotté la soirée, fâchée de ne pas avoir reçu le titre l'an dernier. Et puis en football, les résultats des matchs de ce samedi. Charleroi s'est incliné 2-1 face à Westerlo, dernier du classement. Moucron-Perouet a été battu 0-1 par Waasland-Beveren et OHL a fait 3-1 face à Malines. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Prochain rendez-vous à 2h. Belle nuit à notre écoute. Achetez les maracas Viva for Life Belfius et faites-vous entendre pour les enfants défavorisés. Belfius, nous nous engageons à 100% pour Viva for Life. Sarah Connor. C'est à côté. Viva for Life. Avec Sarah de Padua. Sarah Connor, vous l'avez entendu, moi je pense surtout à la parodie. Sarah Connor, non, c'est la porte à côté, dans la cité de la peur. Bienvenue tout le monde, bienvenue sur la Une, bienvenue sur Vivacité, bienvenue sur viva4life.be. C'est ce marathon, le grand marathon de solidarité pour les enfants chez nous qui sont dans la pauvreté. On est là pour se mobiliser tous ensemble et on va faire ça évidemment tous ensemble jusqu'à mercredi soir avec un seul objectif, faire exploser le compteur. Un moyen pour vous manifester, surtout si vous avez envie d'être généreux, là ce soir à 1h03, rendez-vous sur le site viva4life.be. Vous partagez la musique que vous aimez, vous choisissez une chanson, n'importe laquelle, vous faites un don avec un petit message et on s'occupe du reste. viva4life.be. Autour de la table, il y a du beau monde, soirée cinéma évidemment avec de bons acteurs belges. On a Stéphane Bissot, on a Mounir Aïdamou, on a Jean-Luc Couchard. Jean-Luc Couchard. Et on a Nicolas Beutars, évidemment notre monsieur cinéma de la première. On va passer une bonne soirée cinéma aussi avec des blind tests, pas mal de choses. Et aussi un défi lancé par notre Renaud Rutten tout à l'heure. C'était dans à partir de 18... Oui Stéphane, on a quelqu'un à la boîte, elle est 2 secondes. Je peux terminer mon idée. Et puis on accueille la charmante demoiselle à la boîte aux lettres. Stéphane, elle met... Elle a un œil sur la boîte aux lettres. Vous savez quoi? Oui. Et puis il y a un œil sur le... Oui, tout le temps, moi je guette la boîte aux lettres. Moi, je ne voudrais pas vivre avec vous Stéphane, parce qu'à mon avis c'est vous qui dirigez un petit peu toute la smala à la maison, non? Oui. Ah ben ça se voit. Ça c'est fait. Je parlais donc de Renaud Rutten qui nous a lancé un défi tout à l'heure, qui vous a lancé un défi, c'était de faire la danse de Rabbi Jacob. Est-ce que ça va? Ça se prépare apparemment. Vous avez déjà ce qu'il faut autour des oreilles, évidemment. On verra ça dans quelques secondes. Vous... Vous pouvez suivre ça évidemment sur la Une Télé. Forcément avec le visuel c'est toujours plus sympa parce qu'on va danser. Et rendez-vous aussi sur notre live center, c'est viva4life.be. Vas-y Stéphane, dis bonjour à la jeune demoiselle à la boîte aux lettres, ça te tient à cœur. Allez, vas-y. Bonjour. Bonjour. Elle est fâchée, susceptible en plus. Bonjour, comment ça va? Bonsoir, ça va bien. Je suis la pharmacienne qui est là, je suis juste de garde. Ah, oui. On fait trop je viens de bruit. Donner mes taxes. Non, non, ça va. Les taxes? Je viens donner les taxes que j'ai reçues, voilà. Oh génial, c'est combien alors? 50 euros. Yes. Bravo. Merci beaucoup, la pharmacienne ici, place de la Digue ou juste derrière. Et ça, c'est génial parce qu'on sent vraiment que l'entourage, les commerces, les restaurants, les brasseries sont là aussi. Ils se mobilisent aussi, ils viennent parfois laisser des pourboires, etc. à la boîte aux lettres. On va faire ça tous ensemble et c'est juste magique. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour ce défi demandé par Renaud Rutten tout à l'heure? Est-ce que ça va, la chorégraphie? Ça devrait aller? Je me trompe ou c'est vrai, le fameux truc où ils sont dehors, là, comme ça? Oui, tout à fait. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus vu, moi, cette danse de Rabbi Jacob. Vous, ça fait combien de temps? Vous risquez pas de l'avoir d'ici toi. Non, moi, au niveau de la chorégraphie, c'est un peu chaud quand même. On va le faire quand même, non? Ouais, si, on va essayer. Vous êtes prêts? Allez, on lâche les casques, on se met là et c'est parti. Et vous aussi, place de la Digue, hein, vous dansez Rabbi Jacob, on va faire ça tous ensemble. Et vous aussi à la maison, allez bouger le canapé, la télé. Non, la télé, laissez-la. Et on danse tous ensemble, allez, c'est parti. super. Et je dois tout vous dire, c'est Jean-Luc Couchard qui a un peu mené la danse, hein, qui a fait la chorégraphie, etc. Et Stéphane, ça va? Vous débrouillez pas mal. Je suis la meneuse de revue, voilà. Mounir, là, vous avez essayé des trucs un peu plus modernes, avec les bras, genre des vagues, à gauche, ouais, et à droite. Attendez, ça fait pas partie c'est de la chorégraphie, ça. Rabbi Jacob 2.0. Voilà, Renaud Rutten, je crois que le défi est relevé. Merci à vous tous, bravo. Bravo. Merci à vous aussi, Place de la Digue, vous étiez nombreux à danser. Merci pour le soutien. Regardez, il y en a un qu'on n'entend pas, là. Il fait son petit... voilà, il regarde par terre et tout. Ouais, par d'ailleurs, contre, Nicolas, il est... là... Moi, j'ai pris des photos. Il était derrière, il faisait rien. Souvenez-vous, dans Rabbi Jacob, il y en a un qui est derrière, qui fout rien. Ben, c'était moi. Ah ben voilà. Revoyez le film. C'est Rabbi Lichtman. Chacun la boîte aux lettres. Le fainéant. Oh non, Stéphane. Non, mais... C'est même pas vrai, en plus. Allez, on est là jusqu'à 2h du matin. Y a personne à la avec cette soirée spéciale cinéma et la musique. Viva for life. Et ça aussi, c'est bon, vous avez reconnu, évidemment. On va danser tous ensemble. C'est le choix d'Edith. À Colfontaine encore, yes, 25 euros au profit de l'opération. Attention, c'est parti. Ouh. Fly, mais d'abord, je vous rappelle qu'on va bientôt rejouer refaire un blind test cinéma avec les filles contre les garçons. Pour l'instant, les filles mènent. Stéphane et moi, on a remporté la première manche. Vous allez faire mieux, Mounir, vous allez participer un petit peu. Ouais, dès que Jean-Luc aura envie de participer. Hein. Ouais. Jean-Luc couche. On a essayé de me couper mon micro, donc c'est pour ça que... On a des petits problèmes avec votre micro. Oui, non, c'est bien. C'est toi qui es aux commandes. Tu as saboté. Okay. Oh, moi, c'est au maximum. Attendez, j'ai rien fait. C'est pas sabotage. C'est du sabotage, je sais. Je m'en vais comme un prince. Nicolas Beutars, on est prêt bientôt. On va mettre d'abord encore R. Kelly et puis on joue juste après, d'accord? Et jouez avec nous, vous aussi. But now I know the meaning of true love. I'm leaning on the everlasting arms. If I can see it, then I can do it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. See, I was on the verge of breaking down. Sometimes silence can seem so loud. There are miracles in life I must achieve. But first I know it starts inside of me. Oh, oh, if I can see it, then I can be it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. Oh, I believe I can fly. Parce que Stéphane a dansé avec Mounir. Et ça va, alors ça va aller plus loin cette histoire ou... C'est très chaud, Camélia. Je crois qu'il y a une idylle qui est en train de se... Ouais, hein, il y a quelque chose. Mounir, il passe la soirée parfaite. Il s'est fait embrasser pendant une heure. Et il danse avec Stéphane. Des femmes. Ah, oui, d'ailleurs, il a le sourire, on comprend il pourquoi. Il nous a promis 50 euros, on les attend toujours. C'était le choix de Jonathan, AXL, 20 euros, I Believe I Can Fly, de R. Kelly. Alors, on va jouer maintenant, c'est le moment, c'est l'instant. Je demande un tapis. Une petite musique d'ambiance. Le jeu de la réplique culte, épisode 2. Ah. Gardons les mêmes équipes, Mounir Jean-Luc, Stéphane Sarah. Ok. Le jeu est simple, je vous passe un extrait, une scène, un extrait de film, et vous devez me trouver le titre du film, le titre exact. Ok, vous nous aidez, hein. Place de la digue ici, avec... si jamais on ne trouve pas, vous courez à la boîte aux lettres et vous jouez pour nous les filles. On commence avec l'extrait 4. Pour les garçons. C'est parti. Il s'appelle juste Leblanc. Je viens de vous le dire. On l'a dit en même temps. On l'a dit en même temps. Moi j'ai entendu Jean-Luc. Alors Nico, tu tranches, attention. Tu dis dîner de con. Attention, tu vas avoir un défi. Tu tranches, attention. Moi c'est Sarah qui l'a dit en plus. Ah non, moi je l'ai dit avant. Nicolas. Moi je trouve aussi. Oh non, j'ai dit dîner de con. Mais je trouve que Sarah a une plus belle robe que vous, les gars. Donc, Oh, ouais, ouais, d'accord, ça va. C'est soirée cinéma, donc on sort la belle tenue. Extrait suivant. Extrait numéro 5. Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu... Les bronzés font du ski. C'est-à-dire qu'on peut pas trop miser sur notre physique, surtout toi. Joli. Alors, si je peux permettre de te donner un conseil, c'est... Fort, fort. On les entend même plus jusqu'au bout. Ça, c'est compliqué. C'est vrai, on doit les écouter jusqu'au bout. Non. Alors, cet extrait est très compliqué. Je vous demande de l'écouter jusqu'au bout. C'est un de mes films cul quand j'avais... Mais là, il faut vraiment écouter jusqu'au bout. Nicolas. Oui, je sais. Il est 1h30 du matin, finalement, plus personne nous écoute. C'est un peu vulgaire, j'avoue. C'est un peu vulgaire, mais moi, j'ai vu ça quand j'étais petit. Oui. Enfin, petit, j'avais 12-13 ans. Et voilà, ça explique pourquoi je suis devenu ce que je suis devenu. On écoute l'extrait numéro 6. Braddock, je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. C'est du Chuck Norris dans le texte, ça. C'est Chuck Norris, mais c'est pas. Joli. C'est pas ça. Un film de Chuck Norris. Non, c'est un film français. Ah non, c'est un film américain. Oui, mais c'est doublé, évidemment. Oui, mais oui, je m'en doute. Donc c'est Chuck Norris. C'est pas Chuck Norris. Braddock, c'est Chuck Norris. Okay. Et, parce que je Braddock, sais qu'il a joué dans la série. C'est Porté Disparu, un truc comme ça. Ouais, c'est Porté Disparu 2. Waouh. Ouais, pas mal. Bravo, Mounir. Pas mal. Bravo, Mounir. Ouais. C'est pas mal. On en est à combien, là, Nicolas? 2-1 pour les gars. Okay. Pour les petits gars. Ça te fait chier de le dire. Vas-y, dis-le. Dis-le, ouais, tu peux lui dire. Garçons, ouais. Et Stéphane, on se réveille. Ouais. Je suis tout à fait réveillée. Moi, oui. Je la mets en veilleuse. J'ai un peu peur de vous maintenant. Rancunière, Stéphane Bissot. Oui. Oh là là. Tout à l'heure, j'ai donné 2 points au garçon. Alors, du coup, maintenant, elle est fâchée. Ouais. L'extrait est un peu long, mais je trouve que c'est l'extrait qui résume bien en fait Viva for Life. Je trouve. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Mais vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Ouais. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui, avec vous, je dirais que c'est d'abord le Et puis j'ai eu l'occasion de rencontrer Edouard Baird qui a joué dans Les Barons. Oui, c'est vrai. Et pourquoi ça rappelle Viva for Life? Parce qu'en fait, il dit je chante la vie, j'aime la vie, je chante la vie. Et je trouve, voilà, ça va bien. La musique a du cœur. Ça va bien. 3-1 pour les hommes. Allez, Stéphane, ne sois pas rancunière. Allez. Moi, je n'ai aucune surprise. C'est tout à fait normal. Même, madame, chez vous aussi, calme. On se jette des... Ah oui, celui-là est facile. T'as déjà vu ça? En pleine paix. Il chante et puis il craque un bourre-pif. Mais il est complètement fou, ce mec. Mais moi, les dingues, je les soigne. Mais pourtant, je trouve qu'on a une sensibilité plus musicale depuis tout à l'heure, les filles. J'ai l'impression que sur les répliques, c'était plus les gars. Ah oui. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. 3-2. Peut-être que... Oui, bah alors... Le break. Celui-là est pas mal. C'est aussi un classique. Hein. C'est un classique parmi les classiques. On écoute l'extrait 9. Non, Pierre, c'est un gilet. Ah oui. La période de Ah oui, alors, bien sûr, c'est un gilet. Ça va. Bravo, Jean-Luc Bouchard. Je pouvais compter sur toi. Alors, toi et moi, il me reste encore un extrait, le dernier extrait, mais bon, c'est déjà 4 pour Mounir et Jean-Luc et 2 pour Sarah. Mais ils peuvent nous donner un point, et peut-être. Stéphane, alors, ce qu'on va faire, cette dernière réplique vaut pour 3 points. D'accord, moi je suis d'accord. Non, ça, on n'a pas fait ça tout à l'heure pour nous. Cette dernière réplique. On vous a donné 2 points tout à l'heure. Et donc, chaque fois, les femmes ont gagné. C'est simple. L'équipe qui trouve... Moi, je suis susceptible, rancunière et mauvaise perdante. Donc, à un moment donné, faut y aller. Quoi. Stéphane, avec l'annonce de Nico, les 3 points, là, vous êtes réveillé. Je vois que ça fait en disant c'est possible. J'ai choisi le plus difficile pour la fin. Mais encore plus difficile. C'est un film... C'est un classique. On écoute le 10e extrait. Bizarre. Vous avez des... Qu'est-ce qu'il a? Votre couteau, comment? Donc vous regardez votre couteau et vous dites bizarre. C'est Michel bizarre. Simon, mais c'est pas ça? Moi, j'ai dit bizarre, comme tu dis. Avec Michel avec Morgan, comment ça s'appelle la merde? Bizarre. T'as de beaux yeux, tu sais. Je suis sûr, cher cousin, que vous avez dit bizarre. Vous avez dit bizarre. Moi, j'ai dit bizarre. Attends, c'est bizarre. Michel Serrault, Louis Jouvet, dans... Bizarre, vous avez dit bizarre. Non, trop de drame. Drôle de drame. C'est ce qu'on a soufflé, place de la digue. Ici, elle l'a soufflé. C'est exact. Bravo, monsieur. Merci. Dialogue de Prévert. Donc magnifique film, hein, évidemment, en noir et blanc. Et alors, vous devez savoir que Bizarre, en fait, le titre Drôle de drame, ça c'était en français. Et le film, un film assez exceptionnel, qui est sorti quand même aux États-Unis et en Angleterre. Et ce film était bizarre. C'était le titre du film pour nos amis anglo-saxons. Excellent. Donc on a gagné. Vous avez 3 points. Ouais. Donc ça fait 5 pour les filles. On a gagné, yes. Ce sont les filles qui ont gagné. Et merci Place de la Digue, à Charleroi. Merci Charles, vous êtes trop chou. Vous avez gagné. Du coup les garçons, grâce au gars de la, merci à lui. Lui a gagné, vous n'avez pas gagné. Gage. Vous essayez de noyer le poisson, mais gage du coup parce que vous avez perdu, forcément. Oh. Stéphane, il n'y a plus personne à la place de la digue. Oui, c'est vrai que tout le monde a déjà embrassé tout le monde, tout le monde a déjà dansé avec tout le monde. Mais on a parlé d'amour, d'émotion. Si vous faisiez une déclaration d'amour, ici, place de la digue, chacun à votre tour, d'accord? Vous êtes inspiré, vous voulez un peu de temps ou on fait ça tout de suite, là, maintenant? Déclaration d'amour à qui? Déclaration, c'est ça. Beau. C'est génial avec la musique, c'est beau, génial. C'est beau. Tu parles de déclaration d'amour? Oui. Non, moi je vais le dire à ma femme, à ma Justine. Je t'aime, ma Justine. Et moi? Ouais, bravo, Jean-Luc Couchard. C'est une déclaration. Mounir. Au début, Charleroi, bon. Voilà quoi. Et puis un jour, je suis arrivé. J'ai mangé des frites chez Robert. Puis j'ai rencontré plein de monde, des gens avec des chapeaux. Des Père Noël. Puis des gens avec des Smirnoff. Et je me suis dit, merde, c'est là que je dois être. Je t'aime, Charleroi. Je t'aime. C'est beau, c'est beau. Bravo, c'est de l'intro totale. Et c'est à vivre sur Vivacité, sur la une en télé, sur viaforlive.be. Bravo, les gars. Défi relevé, plus que relevé. Même. We'll be right back. magic in the air. Aïe, aïe, aïe, levez les mains en l'air. Allez, allez, allez, feel the magic in the air. Aïe, aïe, aïe, levez les mains en l'air. Allez, allez, allez, feel the magic in the air. On attend la neige, c'est Noël, on attend la neige. Un don de Sébastien à Chantemel, 300 euros. 300 euros, profit de Via for Life. C'est beaucoup de sous, merci, on va en faire des belles choses avec cette somme. Et il nous a écrit pour apporter un peu de magie, de joie en cette période de Noël. Que cette magie aide les gens à ouvrir leur cœur et à donner. C'est un beau message, ça, non? Allez, continuez à donner, à partager la musique que vous aimez. J'en ai quelques-uns, quelques morceaux, quelques-unes en stock. Regardez, ça par exemple. Vivaforlife.be pour partager la musique que vous aimez, bien évidemment. Il y a ou alors il y a le jeune à la casquette là qui se perd un petit peu. Vous avez une idée? Qui ça peut être? Ouais. Ça l'est bien, ça l'est bien. Quel déhanché, Mounir! Quel saut! Waouh! excellent. Boîte aux lettres. Bonjour la boîte aux lettres. Bonsoir Sarah, bonjour tout l'équipe. Bonsoir Sarah, à tous. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va, et vous, vous êtes combien là? Nombreux. Non, il y a combien, je veux dire. Écoute, hier, on avait fait une promesse, qu'on avait fait un voyage aujourd'hui à Trèves, au marché de Noël. Oui. On a fait une tombola. Oui. Et alors, on amène 251 euros. Waouh. On reverse intégralement à Win for Life. Wow. Bravo. Félicitations. Bravo. Gros bisous. On vous embrasse. Waouh. Que de générosité, mais c'est pas terminé. Allez, partagez et la alors, musique. Petit cadeau, on vous met un magnète de l'association des jeunes. Ok. On sait jamais. Ah bah super, on a un frigo, on va le mettre voilà. dessus. Ok, super. Merci, courage. Merci. Continuez à partager la musique que vous aimez. Merci. Ou à passer ici, Place de la Digue. Tous les moyens sont là. Vous avez toutes les infos sur Viva for Life. Bonsoir Igor. Mais bonsoir. Igor qui ne dort pas. Parce qu'il il ne dort pas. Il ne dort pas on encore. Il ne dort pas depuis 4 jours. C'est vrai, pourquoi? À cause de vous. Bien, désolé, ça va encore durer 4 jours. Bah oui, c'est une drogue. Hein. Vous nous suivez sur quel moyen? Sur Internet, à la télévision, en radio? Les trois. Ouh là, bah dis donc, oui, donc... Ça dépend l'endroit où je suis, mais les trois. Vous nous lâchez vraiment pas, mais c'est très sympa. Qu'est-ce que vous aimez à cette opération, Igor? L'élan de générosité, en fait. La pêche que vous avez, l'engouement que ça génère, c'est du fou. C'est du fou, c'est dingue. Et c'est vrai que vous êtes nombreux à nous envoyer ça sur les réseaux sociaux, aussi nombreux à nous suivre et nombreux à nous dire ben, on est fatigué à cause de vous. Courage, ça va durer encore 4 jours. Igor, qu'est-ce que vous avez choisi comme chanson? Je ne sais plus. Ah, mais dites donc, si vous ne savez plus, alors qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que ce ne serait pas Air Supply? Tout à fait. Ah. J'allais le dire d'ailleurs. Air Supply, Making Love Out of Nothing at All. Voilà, on va peut-être tout l'entendre. Pourquoi cette chanson-là? Est-ce que vous voulez la dédicacer à quelqu'un? J'oserais pas, non. Oh, ça, c'est chaud. À mon avis, c'est chaud. Et Igor ne peut pas parler. Igor, vous êtes tombé au mauvais endroit. C'est une surprise. C'est une surprise. Et oui, donc, tout à fait. Quoi, il y a une autre personne à l'écoute? Je ne pense pas, non. Mais il y a moyen d'écouter le podcast demain, donc voilà quoi. Ah. Est-ce qu'on va creuser encore un peu plus ou pas? Ou on laisse Igor un dans non, la rêverie? Un non, non, un non, un non. Une première lettre. Robert. Je pense qu'il se moque un petit peu de nous. Ah ouais, c'est un taquin, lui. Non, je ne vais pas le dire. Ok. Voilà, on respecte évidemment, on entend Air Supply, Making Love. Gros bisous, Igor. Merci, bonne nuit quand même. Vous, à un moment donné, fermez tout et dormez un petit peu quand même. Mais je dors 1h30 par jour. Ah bah dis donc, c'est moins que nous ça. Ah bah oui, mais c'est à cause de vous. Hein. Courage et merci pour votre générosité. On vous embrasse. Merci. Courage à vous. Merci. Just how to whisper, and I know just how to cry. I know just where to find the answers, and I know just how to lie. I know just how to fake it, and I know just how to scheme. I know just when to face the truth, and then I know just when to dream. And I know just where to touch you, and I know just what to prove. I know when to pull you closer, and I know when to let you loose. And I know the night is fading, and I know the time's gonna fly. And I'm never gonna tell you everything I gotta tell you, but I know I gotta give it a try. And I know the roads to riches, and I know the ways to fame. I know all the rules, and then I know how. Ce titre Air Supply Making Love. On a croisé les doigts ici hein, dans le studio de Vert parce qu'on lui souhaite bonne chance évidemment dans ses avec différents projets demain, hein, ouais. Nous avons des casquetteurs à la boîte aux lettres. Bonjour les casquetteurs. Comment ça va? Bon, ça va bien et vous? Qu'est-ce que vous faites à cette heure-ci, place de la Digue? Ben, figurez-vous qu'on revient du concert de Dimitri Vegas et Like Mac à Anvers. À Anvers, vous avez fait la route jusqu'à Charleroi. Ah oui, ça. Ouais. Excellent. Vous habitez peut-être juste à côté aussi. Non. Tout dans le fond de la Belgique, tout dans le sud. Ah, c'est vrai. Donc, c'est vraiment une escale, une étape. Oui. Excellent. Et vous êtes là pourquoi? Pour soutenir votre cause et vous aider. Excellent. Et glisser des sous dans la boîte aux lettres. Exactement. Waouh, combien? 40 euros. Oh, c'est génial. Ça, c'est génial. Bravo. Un concert à Anvers. Ils habitent au fin fond de la Belgique. Ils passent par Charleroi. Super, les gars. Merci. Bonne continuation à vous tous. Attendez, juste deux petites secondes. J'avais une petite question pour Jean-Luc, moi. Jean-Luc. Oui. T'es pas en classe verte, toi? C'est excessivement énervant, hein, ça, grand. Une réplique du film, peut-être. Jean-Luc Couchard est avec nous. Merci, les gars, ça vous va bien, les casquettes. Ouais. Gros bisous, c'est le moment, c'est l'instant. On mène 2-0, nous, les filles. Non, vous menez pas 2-0, c'est 1-1. Non, on a gagné avec les 3 points à la fin. Non, mais de toute façon, c'est triché, parce qu'il va encore trouver quelque chose. Il y avait 3 blind tests. Quand les filles vont perdre, ils vont dire, ah oui, on va encore trouver un truc. Je remets les pendules à l'heure. Il y a 3 blind tests dans cette émission, la nuit du cinéma. Enfin, cette soirée spéciale, la nuit du cinéma. Il y en a eu 2, les garçons en ont gagné 1, les filles en ont gagné 1, donc c'est incroyable. Mais on a gagné les blind tests. Ouais, attends, Christelle et tout, mais enfin Nicolas. Non, parce que le premier, parce que Nicolas ne savait pas compter les points, oui. Il a dû d'ailleurs danser une farandole ici, place de la Ligue, avec une centaine de personnes. Du coup, celui-là, on ne le compte pas. Non, oh là, vous savez quoi, on va tout effacer et on va tout jouer là-dessus. Ah, d'accord. Ok, d'accord. On est joueurs. Allez, c'est Viva for Life, on y va. Ah, ça va. Et c'est quoi l'exercice alors? Eh bien, donc c'est un blind test musical. Je vais vous passer des génériques de films. Il va falloir me donner le titre du film. Stéphane est trop fort en musique. Trop fort en musique, c'est les femmes. Alors, ce qu'il y a de bien, écoutez bien, parce que c'est un indice général sur l'ensemble du jeu, on a déjà cité tous les films. Pour ce donc, c'est vraiment une question de rapidité. En fait, tu refais le premier, quoi, qu'on a annulé, c'est ça? Non. Il est tard, il a plus envie de bosser. Non, mais non. Premier extrait, c'est maintenant, c'est tout de suite. Kill Bill. Non, Pulp Fiction. Je donnais 90%. Deuxième extrait. Mais pas le titre. Eight Max. J'ai failli le dire. Alors, j'aime bien vous lire, c'est j'ai failli. Mais non. Sarah, vas-y, rappe un truc. Sarah, il est 10h du matin, elle a toujours la même forme comme à 22h. Je sais pas. Je suis grande fan d'Eminem. Je me demande comment elle se remet. Oui, j'adore. Oui, bon. Un petit peu aussi. Alors ici, c'est un slow, mais c'est un film de mec. Mais c'est un slow quand même, donc... Top Gun. J'ai gagné avant l'extrait. Oui. Excellent, excellent. C'est Top Gun, on l'a même pas. C'est pas qu'un film de mec. Non, c'est vrai. Il y avait Kelly McGillis et Tom Cruise. J'ai l'impression que Nicolas allait traîner ses fiches dans... Tu vois, c'est super triché. Parce que je l'ai vu regarder, elle a fait Top Gun tout de suite. Non. On n'a pas eu le temps d'entendre le truc. Moi, j'ai pas buzzé, mais je suis avec Sarah. Ouais, ça c'est facile. Hein. Quatrième extrait. Quatrième extrait, ça c'est un film de filles pur et dur. Titanic. Bodyguard. Et zou. Comment tu te mets à la Sarah, avec les bras Bodyguard, là c'est... Titanic. Non, c'est Bodyguard. Pardonne. Bodyguard. Oh, oui, c'est vrai, Stéphane, sorry. C'est vrai que c'est impardonnable. Je t'en prie, écoute. Ouais, c'est impardonnable. On avait déjà cité Titanic, j'avoue. Kevin. Oui, c'est pour ça, oui. Mais Kevin. Oh, oui, allez, prochain extrait, oserais-je dire. Stéphane a déjà cité le titre du film. Ah, on l'écoute. Flashdance. Tu peux refaire. Moi j'aimais beaucoup. Qu'est-ce que tu as dit, Flashdance? Il y a un film qui s'appelle Flashdance. On a tous les bonnes réponses aussi, hein. C'est trop facile. Bravo Stéphane. Yes. Qui a balancé. Extrait suivant. De nouveau un film de filles. J'ai un peu l'impression que cette liste n'est... Dirty Dancing. Ça me fait pas peur. On écoute l'extrait. Elle est les garçons. C'est quoi? Pretty Woman? Non, non, non. Pretty Woman. Oh, joli! C'est vraiment un film de petite fille, ça. Et vous savez quoi? C'est la période où elle est triste. Elle rentre dans sa voiture, elle se dit, mais je vais plus jamais le revoir, et elle regarde par la fenêtre. Mais oui, mais pourquoi j'ai pas donné la bonne réponse? Il a qu'à aller faire ses courses. Le jeu, c'est pas donné. Rien à faire devant la fenêtre. Rien à faire devant la fenêtre, à faire ses courses. Bon, je te chute. On est à combien, Nicolas? Attention, le gage. Pour, hein. Deux pour Moulir et Jean-Luc. Elle était triste quatre, à ce moment-là. Elle est triste, la fille. Oui, exactement. Ouais. Mais oui, mais on peut. Julia Roberts. C'était vraiment Pretty Woman, non? C'était c'est vraiment dans la voiture, oui, dans la limousine, je vous dis pas la limo. Extrait suivant. Cultissime, je n'ai que ce mot-là à la bouche. Cultissime. Sais-tu danser la carioca? C'est les snuls, c'est le... Camping Paradise. Non, les snuls. Gérard Darmon qui danse, c'est le... C'était de la peur. Oh, bravo, j'ai pas... Pardon de crier, il est tard. Calme-toi, Sarah. Faut pas faire des jeux. C'est le son sur la musique, donc ça va, on peut y aller. Oui, mais vous, chez vous, à la maison, je suis un petit peu désolée. Là, on a combien, là? C'était effectivement Alain Chabat, Gérard Darmon, la carioca, la cité de la peur, 5-2 pour les filles. C'est truqué, c'est truqué. Ah, mais il y a la question à 10 points, là. Garogori. Nicolas, tu vas nous faire un truc comme ça. On va refaire le même coup, évidemment. Voilà. De toute façon, elles vont gagner. Prochain extrait. Oh là, on l'a déjà cité 6000 fois. Prochain extrait, on l'écoute maintenant. Philadelphie. Oh, joli. 100% végétal. En fait, vous avez donné le titre du fromage à tartiner. Philadelphie. Philadelphia. Tu nous tartines, Jean-Luc. C'est d'abord un fromage à tartiner. Ensuite, c'est un très beau film. Je l'ai dit après. Oui. Jean-Luc, vous avez tout. Le point est accordé. C'est pour combien? Pour 5, ça? Non. Le point est accordé. 3-5 toujours. 3 pour Mounir et Jean-Luc. 5 pour Sarah et Stéphane. Extrait suivant. Dirty Dancing. Il fallait qu'il sorte. Ben oui. Voilà. Attends. Donc maintenant, le gage, si vous avez perdu, c'est qu'il fasse la chorégraphie sur cette musique-là. Quand même. Le porter. Oh oui. Le porter. Oh, bonne idée. Quand Mounir porte Jean-Luc. Ouais. On ne laisse jamais bébé dans un coin. Jamais. Voilà. Et il la prend comme Jean-Luc. Ça par la main et puis Jean-Luc, vous êtes bébé, Mounir, puis, vous êtes. Il y a la scène du porté. Johnny. Non, moi je suis pas d'accord. Jean-Luc, allez. Il me reste encore un extrait. Est-ce que... Donc ça c'est le gage au cas où. Ouais. Dirty Dancing, êtes... d'accord. Attendez, on se met d'accord sur le gage. Vous êtes tous d'accord? Non. Est-ce que vous êtes tous d'accord? C'est l'extrait à 10 points. Ouais. Ok. Ouais. Et donc ça veut dire si nous on rate, c'est Sarah bébé et moi Johnny. On peut faire l'inverse, c'est pas. Moi, j'ai vraiment envie de gagner. Quel est le gage? Dans tous les cas. Quel est le gage? Faire le porté de Dirty Dancing, moi, je dis. Moi, je crois que c'est pas assez haut. Enfin, voilà. Non. Tu crois? Le plafond, c'est vrai. Ils étaient quand même dans une belle salle de bal. Qu'est-ce que vous proposez? Faire l'avion, ça peut faire un porté, mais au sol. Moi, je propose qu'on sorte, Mounir et moi, qu'on réfléchisse, et puis après, et voilà, c'est ça le gars. Et puis, vous partez. Bah alors, on a les 10 points, Jean-Luc. Non, c'est ça, on réfléchit, d'accord? On est au night shop, on arrive. Ça va, ça va. Vous allez chez Robert, les fameux trucs de chez Nicolas. Et sur l'autoroute, ah tiens, Nabil. Nicolas, vous tranchez, alors, le gage. Je ne sais pas. Que le meilleur. Enfin, oui, on se fait tous la bise parce que finalement, on a embrassé. Vous savez quoi? Je dis le porté parce qu'il y a plein d'accessoires ici dans le studio. Mm-hmm. On va faire appel un petit peu à votre imagination. Il y a moyen de faire un porté sans trop de risques. Est-ce qu'on pourrait pas avoir un gage d'auditeur? Ouais, voilà, je veux bien porter le nounours. Il y a un porté de nounours. On va faire un porté de nounours. Nous avons un beau nounours dans le studio. Voilà. Un ours géant, on peut le dire. On va faire un porté de nounours bébé. Il y en a qui sont d'accord. Il y a Marie qui est là sur la page Facebook. Il y a Marie qui est là qui propose un gage. Mm-hmm. C'est mimer, imiter un orgasme. Oui, mais on fait de la radio quand même. du film quand Harry rencontre Sally. Ça, c'est j'ai pas besoin de perdre. Vous n'avez pas encore gagné. Vous n'avez pas encore gagné. Je voudrais pas être dans votre livre. T'as un chat dans la gorge. Non, non, je jouis. Oh, ça, c'est chouette. Mais il est 2h du matin, on peut le dire. On peut Marie a quand même des drôles d'idées à cette heure-ci, quand même. Ah, mais c'est Marie, oui. Juste avant 2h. On est OK pour le gage, alors? OK. OK, on refait la dernier extrait. On refait la fin de la scène. La scène de quand Harry rencontre Sally, ok. Le dernier extrait, c'est facile. Ce n'est pas Adèle. C'est Jean-Luc qui jouit, c'est Jean-Luc qui jouit. Eh oui. Jean-Luc. Les filles ont gagné. Je leur mets 10 points. Tu te démerdes. Super, c'est ce que je peux te dire. Elles ont 16 points, les filles. 16 points à 3. On jouit pas. Vous savez quoi, on va vous mettre un petit peu dans l'ambiance, on va trouver une musique un petit peu. Il y a Jean-Luc qui veut jouer avec le nounours. Oui. Il voulait faire les deux. Il voulait faire un mix. Allez Jean-Luc. Est-ce que vous voulez écouter l'extrait d'abord? Comme ça, vous pouvez vous en inspirer. On écoute l'extrait. J'adore cette actrice. Ça va bien? C'est bon, oui. Oui. Oh. Oh. Oh. Oh, mon Dieu. Oh. Oui, là, là, oui. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh, mon corps. Oui. Oh, oui. Oui. Oh, oui. Oui. Oui. Oui. Oh. Voilà ce qui vous attend, les garçons, d'accord? Oui. Jean-Luc, Mounir, on a la musique. Chacun à leur tour et on choisit le plus bel orgasme. Ok, ok, on fait ça, d'accord. Qui commence? Jean-Luc. Jean-Luc commence. Okay, Jean-Luc Couchard donc va faire un orgasme en direct sur la Une, sur Viacité et sur vivaforlife.be. On a hâte. Allez-y Jean-Luc. C'est l'ambiance restaurant, on y est. Non! Attendez! Ah non! C'est l'orgasme le plus rapide de l'univers! Il a tout donné! C'est l'orgasme! J'ai tout donné, madame! Tout donné. Ok, on reste au restaurant! C'est à vous, Mounir, on est toujours au restaurant! Je suis sur la table d'à côté, c'est ça? Non, c'est pas fini. Attention, Igor, c'est ce qui t'attend peut-être. Attends, je bois un verre d'eau. T'as été magnifique. Je t'aime. T'étais aux toilettes, là, non? Nicolas, lequel vous préférez alors, Jean-Luc? C'était deux styles vraiment différents. Donc, effectivement, il y a, on est Usain Bolt de l'orgasme. Hein. C'était en moins de 10 secondes, même moins d'une seconde. C'était beau, un bel effort. Alors, celui de Mounir, évidemment. Moi, j'aime bien celui de Mounir parce qu'il a terminé par un... Non, mais il a terminé par une belle phrase. Un beau compliment, je t'aime. Voilà. Et je trouve que... C'est Mounir alors qui remporte cette palme d'orgasme. Ah, on a quand même perdu le concours. C'est une petite consolation. Bah oui, allez. Nicolas Beutarts, vous, l'orgasme, ça se passe comment chez vous? Mais bien, j'ai jamais eu de réclamation. Donc, non. Pourtant, le bureau est ouvert. Hein, vous pouvez nous le faire, là? Non. Attendez, si. Si, si. Si, si. Solidarité masculine. Alors, par contre, moi, je peux vous donner une petite anecdote sur, ce, sur le film. Taisez-vous, on veut l'orgasme. Donc, cette scène se passe chez Katz Delicatessen, qui est un restaurant qui existe, qui est toujours ouvert. Et la table est étiquetée. Il y a une flèche qui pend au-dessus de la table qui dit c'est ici que Sally a eu son orgasme avec. Sally a joui. Sally a joui quand elle a rencontré. Moi, c'est au cuic. Et moi, j'ai été mangé avec une charmante demoiselle à la table d'à côté. Dites, vous n'avez jamais d'orgasme alors, non? Parce que apparemment, non. Avec Nicolas, non. Tu évites beaucoup le sujet. Tu évites beaucoup le sujet. Non, voilà, d'autres anecdotes. Qu'est-ce que vous dites? Attendez, on est en train de se mobiliser, Nicolas. Il y a la régie. Et ils sont nombreux là derrière, d'ailleurs. On les embrasse et grâce à eux que tout ça existe aussi. Qui insistent très, très fort. D'ailleurs, on remet le restaurant. Et on veut l'orgasme de Nicolas Beutarts. Il n'y a pas de raison. Il est 2h du matin. Si tu n'as pas d'orgasme à 2h du matin, tu n'es pas un homme. Voilà. Et on applaudit Place de la Digue aussi. On encourage. Nicolas Beutarts aussi. Attendez. Nico, c'est à vous. On est au restaurant. Monsieur avec son cerveau-là pourrait jouir ce soir aussi. Je pense que c'est parfait. Pardon. Nico, c'est à vous. Je ne sais pas. Moi, j'ai toujours été. Je ne suis pas acteur. Moi, je suis critique. Mais prenez les choses en main, mon grand. Non, allez-y. Je ne la trouve pas. C'est l'émotion. Je n'y arrive pas. Vous me coupez. Ça donne envie de faire des critiques aussi. Une fois le critique, il mange. Voilà. Bon, bah Nico, bah voilà. Non, Johnny qui fait emporter nounours. Tu le sens mieux en Johnny avec le final de Dirty Dancing. C'est de la radio, c'est de la radio, donc moi je veux bien, mais emporter nounours. Vous savez que la comédie musicale va arriver. Non, on ne veut pas savoir. Vous savez quoi ? On a rendez-vous avec Adamo. Mets tes mains sur tes hanches. Moi je préfère encore. Sois pas fâché si je te chante les souvenirs de mes 15 ans. Ne boude pas si tu es absente de mes rêveries d'adolescent. Ces amourettes insignifiantes ont préparé un grand amour. Et c'est pourquoi je te les chante et les présente tour à tour. Oui, c'est pourquoi je te les chante et les présente tour à tour. Mais laisse mes mains sur tes hanches, ne fais pas ces yeux furibonds. Oui, tu l'auras ta revanche. Tu seras ma dernière chanson. Dans chaque fille que j'ai connue, c'est un peu toi que je cherchais. Quand dans mes bras je t'ai tenue, moi je tremblais, je comprenais que tu es sortie du fable pour venir habiter mon rêve. Et ce serait bien regrettable que notre amour ainsi s'achève. Oui, ce serait bien regrettable que notre amour ainsi s'achève. Mais laisse mes mains sur tes hanches, ne fais pas ses yeux furibonds. Oui, tu auras ta revanche, tu seras ma dernière chanson. Laisse mes mains sur tes hanches, ne fais pas ses yeux furibonds. Oui, tu auras ta revanche, tu seras ma dernière chanson. Ange, Salvatore et Adamo, le choix de Marie-Thérèse a pipé 100 euros pour Viva for Life. Bravo pour ma petite fille Lou qu'on embrasse bien évidemment. Ils étaient là, on a passé une super soirée grâce à vous. Il y avait dans la place Stéphane Bissot qu'on verra bientôt. Coucou. Stéphane qui part pour Paris demain, Stéphane. Oui, je suis en tournage pour le moment avec un monsieur qui s'appelle Marc Fitoussi et je vais rejoindre Émilie de Ken avec qui j'ai tourné dans un film de Joachim Lafosse, peut-être que vous avez vu À perdre la raison. Voilà. Maléfique. Et sinon Les Chevaliers Blancs en janvier, voilà. Toujours de Joachim Lafosse. Oui, c'est ça. Un terrible réalisateur. Oui, c'est enfin, ça. Moi je le dis vraiment parce que je le pense. Et puis, sinon il y aura un film drôle. Attends, je peux encore dire il y aura un film drôle mais plus tard. Et ça c'est Le Docteur de Kinshasa et ça va être drôle. Ah. Parce que le reste c'est sérieux mais c'est bien aussi. Mounir Aïdamou était là aussi avec son sourire, sa bonne humeur. Et l'actualité pour vous, c'est quoi ? Vous allez faire quoi demain, par exemple ? Demain, je vais étudier mon texte. Donc j'ai un film que je dois tourner en Bretagne au mois de janvier. Mm-hmm. Donc Les Philosophes, premier film de Amelan Guilhem. Et puis j'écris une série pour la RTBF qui s'appelle Champion. Et voilà. À voir bientôt. Bah, pas déjà tout de suite. Produite. Ouais. Pas encore produite. Vous avez mais signé, en tout cas, dites-moi. Parce que signé, sinon, c'est pas sûr. En tout cas, voilà, on fait rentrer les dossiers, ça se passe bien. On a des super bons échos de la RTBF. Mm-hmm. Et ils sont super motivés pour le projet. Mais bon, ça sera ça encore en écriture. Ça va se passer à Bruxelles ou pas? À Bruxelles, avoir, voilà. Ouais. Bruxelles, Charleroi, en tout cas en Wallonie. c'est sur le foot. Donc voilà. Oui, donc Charleroi. Donc Charleroi, obligé. Donc voilà. En tout cas, on croise les doigts avec Mourad Zeghendi qui jouera le rôle principal que vous avez vu dans Dit Connect avec Jean-Luc. Et, justement, le Dit Connect est là ce soir. C'est Jean-Luc Couchard. L'actualité pour vous, qu'est-ce qu'il y a de prévu? Je suis dans Babysitting 2 pour le moment, c'est toujours au cinéma. Puis après, il y a les sorties des Visiteurs 3. Et alors, il y a Un jour mon prince qui est un premier long métrage d'une jeune réalisatrice qui s'appelle Flavia Coste. Oui. En production québécoise, franco-québécoise. Et voilà, ça sort en février. Et pour les projets, ben j'ai un projet pour l'RTB qui s'appelle Western, qui va se tourner l'année prochaine, et une série pour les Flamands aussi. Vous serez un méchant ou un gentil ? Non, dans ce film-là, dans la série, je serai plutôt un policier qui va découvrir des meurtres, il va découvrir des trucs, et il est plutôt sympa, ouais. Nicolas Beutard, c'était là aussi. Nicolas Beutard, ce qu'on entend souvent sur la première, notamment. Oui, c'est ma nouvelle maison et j'en suis très content. Moi, demain dimanche, c'est le jour de ma lessive. Oui. Beaucoup de linge, combien de paniers? Oui, parce que j'ai un peu de retard, deux paniers. Excellent. C'est l'émission? Alors, l'émission que je présente sur la première, c'est Un samedi d'enfer avec Bruno Coppens, Pierre Kroll et l'excellentissime Myriam Leroy. Merci d'avoir été là tous. On a passé une super soirée. Vous avez mis le feu ce soir sur la Une et sur Uacité. Merci pour vos sourires. C'est Cyril qui prend le relais. Cyril, comment ça va, Cyril? Des petits yeux quand même. Ça a été, on n'a pas fait trop de bruit. Vous avez tellement fait la fête que je n'ai pas dormi du tout. Ah, ça peut arriver pendant l'émission. Et là, vous êtes en route jusqu'à 6h du mat. Ça va aller? Ça va aller. Au programme, de la musique, évidemment. Au programme, je ne sais pas. De la musique, oui, mais pour le reste, je ne sais pas du tout ce qui est prévu ce soir. Il y a une surprise. Il me reste des jeux. Une belle surprise. Moi, je peux vous donner mes jeux. Si vous voulez. Bah, reste. Ou alors, on fait des jeux ensemble. Il n'a pas dit oui, vous avez entendu. Non, il a regardé ses feuilles, il a dit non, surtout pas. Le casque ne fonctionne plus d'un coup. Cyril, jusqu'au bout de la nuit sur la Une, sur Vivacité, sur vivaforlife.fr. Viva for Life, avec nos partenaires. CCML Show soutient Viva for Life pour qu'aucun enfant ne souffre du froid. Avec le soutien de la Loterie Nationale.